بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc on va essayer dans cette assise d'expliquer l'épître du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Ma'na al-Taghut, le sens du mot, le sens du Taghut. Cette épître, il est présent dans deux livres, au moins. Le premier, c'est le recueil qui s'appelle Majmou'at al-Tawhid, qui rassemble des épîtres de, du Cheikh al-Islam Taymiyyah, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et de ses principaux étudiants et petits-enfants, comme Abd al-Rahman ibn Hassan, l'auteur du livre Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, l'imam Sulayman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est son petit-fils aussi, ou l'imam Abdullah ibn Abd al-Rahman Aba Boutin, qui est un des élèves, de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il est présent aussi dans Ad-Durar al-Saniya, Fil Ajwibat al-Najdiya, qui est un recueil de 18 volumes, si je me souviens bien. Qui rassemble les épîtres, pareil, des savants de la région du Nejd, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed Abd al-Wahhab, ses enfants, petits-enfants, étudiants, étudiants de ses étudiants, jusqu'à peu près notre époque, enfin, un peu avant. Cette risala, son importance, on va le voir, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a envoyé chaque messager pour dire à sa communauté, adorez Allah, écartez-vous du Tahout. Et il a mis comme condition pour que nous saisissions l'anse la plus solide, c'est-à-dire l'islam, comme nous le verrons, de mécroire au Tahout. Le mot Tahout revient à de nombreuses reprises dans le Coran. Il faut donc savoir ce que ce nom signifie par la parole d'Allah et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en s'appuyant sur ceci, sur les commentaires et les explications des savants de Ahl Sunnati wal Jama'a. Le but, encore une fois, de toute la science légiférée en islam, al-ilm al-shar'i, c'est de se rapprocher d'Allah par l'application des ordres d'Allah. Et comme le dit al-Bukhari dans son sahih, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, chapitre, la science avant la parole et l'acte. La science passe et doit être acquise avant toute parole et tout acte pour savoir si l'acte ou la parole est en conformité avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le Cheikh en ouverture de cette épître, I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam l'initibah, c'est-à-dire pour nous faire faire attention à ce qui va suivre. Anna awwal ma farad Allahu ala ibn Adam, que la première chose qu'Allah a rendue obligatoire au fils d'Adam, al-kufr bit-taghut wal-iman billah, le fait de croire au taghut et de croire à Allah. Wa ad-dalil, et la preuve, et on sait que le cheikh, et c'est l'intérêt de ses livres à lui, malgré qu'il soit du 12e siècle, c'est que chaque chose, il essaye de ramener la preuve, comme dans son livre Kitab al-Tawhid, dans lequel il n'y a que des versets du Coran, des hadiths du prophète ou des paroles de salaf. Donc la preuve de cela est la parole du Très-Haut. Voilà, qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kayfa kana 'aqibatu al-mukaththibin. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous, ijtanibu at-taghut, écartez-vous du taghut. Faminhum man hada Allah, parmi eux il y en a qu'Allah a guidé, wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalalah, et parmi eux il y en a qui ont mérité l'égarement. Fasiru fil ard, parcourez donc la terre. Fanzuru kayfa kana 'aqibat al-mukaththibin, et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont traité les messagers de mensonges. Ibn Kathir a dit à propos de ce verset dans son tafsir, qala Ibn Kathir, falam yazal ta'ala yursil ila an-nas ar-rusul bidhalik, Allah le très haut n'a cessé d'envoyer des messagers aux gens avec cela. Mundu hadatha ash-shirk fi ibn Adam fi qawmi Nuh alladhina arsala ilayhim Nuh, depuis que le shirk est apparu chez les fils d'Adam dans le peuple de Nuh auquel a été envoyé le prophète Nuh. Wa kana awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard, il était le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Il a un khatamahum bi Muhammad, jusqu'à ce qu'il ait scellé les messagers par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi tabaqat da'watuhu al-insa wal-jinn fi al-mashariq wal-magharib, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc celui dont l'appel concerne tous les hommes et les djinns aux orients et aux occidents, c'est-à-dire sur toute la terre sans aucune exception. Il dit ensuite par rapport à ça, par rapport à la fin du verset. Il dit: ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. Et Allah les a informés, a informé les hommes qu'il les châtirait dans cette dunya après qu'il les a avertis par les messagers. فَلِهَذَا قَالَ Et à cause de cela, il dit à la fin du verset: فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ Parmi eux, il y en a qu'Allah a guidé. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ Parmi eux, il y en a qui ont mérité l'égarement. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Alors parcourez la terre et regardez quelle a été la conséquence ou le châtiment ou la fin de ceux qui ont traité les messagers comme de menteurs. أي اسألوا عما كان في أمر من خالف الرسل وكذب الحق Il dit: demandez aux gens comment a été la fin de ceux qui se sont opposés aux messagers et qui ont traité la vérité de mensonge. Kayfa dammar Allahu alayhim wa lil kafirin amthaliha. Comment Allah amthaluha, pardon. Comment Allah les a détruit les kuffars et ceux qui leur ressemblent. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Sourate Zumar, si je me souviens bien, il dit: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد Ceux qui se sont écartés du taghout pour ne pas l'adorer et qui sont revenus vers Allah, alors annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. فبشر عباد الذين استمعون القول فيتبعون أحسن Ceux qui suivent ceux qui entendent la parole et qui suivent la meilleure ou la meilleure chose parmi elles. أولئك الذين هداهم الله Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Et ceux-là sont les gens doués de raison. Ces versets-là, ces deux versets-là donc, sont les versets 17 et 18 de Sourate Az-Zumar. Ibn Kathir nous dit dans son tafsir: قال عبد الرحمن بن زيد أسلم عن أبيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي. Il nous rapporte, Ibn Kathir, la parole d'un salaf qui s'appelle Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, qui dit, selon son père Zayd ibn Aslam, que le verset qui dit « ceux qui se sont écartés du Tarut afin de ne pas les adorer » est descendu sur Zayd ibn Amr ibn Nufayl, et qu'il est descendu aussi sur Abu Dhar parmi les compagnons, et qu'il est descendu sur Salman al-Farisi. C'est-à-dire, lui, il a considéré que ce verset-là qui parle de ceux qui sont écartés du Tarut pour ne pas les adorer, il est descendu sur ces personnes-là en particulier. Ibn Kathir nous dit par la suite: وصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم. Et la parole authentique, c'est qu'elle les concerne et qu'elle concerne tous ceux qui sont comme eux. ممن اجتنب عبادة الأوثان, parmi ceux qui se sont éloignés de l'adoration des idoles. وأناب إلى عبادة الرحمن, et qui sont revenus à l'adoration de الرحمن. فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ceux-là sont ceux qui auront la bonne nouvelle dans cette vie et dans l'au-delà. Ensuite, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, dans sa risale, il continue et il dit: Anna sifatul kufr bit taghut. Comment mécroit-on au taghut? On a vu quelques versets qui nous montrent le mérite de s'écarter du taghut et que cela est la da'wa de tous les prophètes. Ensuite, le Cheikh nous explique, en se basant bien sûr sur le Coran et la Sunna, quelle est la façon de mécroire au taghut. Comment mécroit-on au taghut? Il nous dit: Anna sifatul kufr bit taghut. An ta'taqid butlan ibadati ghayrillah. La manière de mécroire au taghout, c'est 1. Que tu crois que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est nul. 2. Watatrukuha. Et que tu la délaisses. Tu délaisses toute l'adoration. Tu délaisses le taghout et son adoration. Watubriduha. Que tu détestes cette adoration du taghout. Watukaffir ahlaha. Que tu rends mécréant les gens qui adorent d'autres qu'Allah. Tu rends mécréant, bien sûr, à plus forte raison, le taghout qui est adoré en dehors d'Allah et qui accepte cette adoration. C'est important sous condition. Et qui accepte cette adoration. خامساً وتعاديهم la cinquième est que tu les prennes comme ennemis. Tout taghout qui est adoré sur cette terre, comme on va le voir, le taghout est adoré soit par l'adoration pure, soit par le suivi, soit par la demande de jugement ou l'obéissance. Tous les taghout, pour mécroire en eux, une fois qu'on sait qu'ils sont des taghout, il faut remplir ces cinq conditions. Une fois qu'on sait qu'ils sont des taghout, de croire qu'ils sont nuls. On va prendre un exemple, comme le prennent certains chouyouks à notre époque, le tarot de la démocratie, qui est un tarot qui donne un des pouvoirs d'Allah, qui est le pouvoir de légiférer, à un autre qu'Allah. Mais croire en ce tarot-là, ça signifie quoi? Croire, un, que ce tarot est nul. Deux, le délaisser, ne pas l'adorer, ne pas participer à sa adoration par le vote, par le fait d'en dire du bien ou d'appeler les gens à cette fausse religion et à ce tarot. Trois, de délaisser ce tarot. Quatre, de rendre mécréant les gens qui pratiquent ce tarot et ou les gens qui y appellent, ou les gens qui l'embellissent aux gens. Et le cinquième, de le prendre en inimité. Ça veut dire quoi? Prendre en inimité le tarout, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le hijra, je dis bien après le hijra, wa tamayyizus sufuf, et que les rangs se soient bien différenciés et que les terres se soient bien différenciées. Une fois qu'il a émigré à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Mecca en combattant les mouchriquines et en détruisant leurs idoles. Et ça, c'est le sommet de l'islam et c'est le sommet du kufr de tarout. Le Cheikh Mohamed Abdelhab, il nous dit dans une autre de ses paroles qui explique ce qui vient d'être cité, dans Dura Saniya, le volume 2, la page 121, il nous dit « Wa ma'ana al-kufr bit-tahut » et la signification du kufr bit-tahut « An tabra min kulli ma yu'taqadu fihi ghayr Allah » que tu te désavoues de tout ce en quoi les gens croient en dehors d'Allah « Min jinni ou insi ou shajar ou hajar » parmi les djinns ou les hommes, parmi les arbres ou les pierres « ou ghayr dhalik » ou autre chose que cela. Et que tu témoignes sur lui de la mécréance et de l'égarement, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré, que l'adoré soit un djinn, un homme, une pierre, un arbre, quoi que ce soit, tu dis cette adoration-là, c'est de la mécréance. Parce que bien sûr, certains hommes, comme Isa ibn Maryam, ou certains anges, ou bien sûr, a fortiori, les pierres et les arbres qui sont dénués de raison, ils sont adorés en dehors d'Allah, mais ils n'acceptent pas cette adoration. Donc on ne va pas les déclarer mécréants. Par contre, on déclare que leur adoration en tant que telle est de la mécréance. Et que tu détestes l'adoration de ces choses si elles ne l'acceptent pas, et que tu détestes ces choses si elles acceptent l'adoration. Même si c'est ton père ou ton frère. Et ensuite, il nous explique. Il dit, celui qui dit, je n'adore qu'Allah. وأنا لا أتعرض للسادات والقباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله. Quant à celui qui dit, moi je n'adore qu'Allah, mais je ne dis rien sur les maîtres, c'est-à-dire les maîtres soufis qui sont en dehors d'Allah, c'est ça, sada, c'est le pluriel de Sayyid, et les constructions qui sont sur les tombes, je ne dis rien sur cela. Comme ils disent maintenant, je ne me prononce pas. Il dit quoi? Cette personne-là, c'est un menteur, il a menti dans sa parole la ilaha illallah. Il n'a pas cru en Allah, il n'a pas mécru non plus au tarout. Donc ceux qui refusent de prendre parti lorsqu'ils voient la mécréance claire qu'elle est établie sur eux selon les preuves du Coran, la sunna de l'ijma', qui savent que cette mécréance est établie et qui continuent à dire non, moi je ne me prononce pas, je ne juge pas les gens, il n'a pas cru en Allah, il n'a pas mécru au tarout. Et il dit ensuite dans le volume 2, la page 119, et il nous dit, et c'est, on insiste sur ces paroles, elles ne font pas partie de l'épître de base que nous expliquons, mais on explique les paroles de Cheikh Mohamed ibn Abdou Wahab, ce qu'il a voulu dire, par d'autres paroles tirées de ses livres. Et c'est ça la base. Lorsqu'on explique la parole de quelqu'un, on essaye de se baser sur ce qu'il a expliqué dans d'autres de ses livres, dans d'autres de ses œuvres. Il nous dit, par Allah, ikhwani, mes frères, tamassaku bi asli dinikum, awwalihi wa akhirihi, accrochez-vous à la base de votre religion. Son début et sa fin, sa base et sa tête, c'est le témoignage de la ilaha illallah. Accrochez-vous à ça, mes frères, et connaissez son sens, et aimez ces gens, c'est-à-dire les gens qui ont la ilaha illallah, et faites-en de vos frères, même s'ils sont loin de vous, et mécroyez, désavouez-vous des tawarit, et prenez-les comme ennemis, et détestez ceux qui les aiment, ou ceux qui argumentent à leur faveur, ou ceux qui ne les rendent pas mécréants, ou ceux qui disent je n'ai rien à voir avec eux, je ne suis pas concerné par eux, ou qui celui qui dit Allah ne m'a pas chargé d'eux. Faqad kadhaba hadha ala Allah, celui-là a menti sur Allah, waftara, et il a forgé le mensonge. Mais Allah l'a rendu responsable d'eux, c'est-à-dire dans le sens où il est responsable de jeter la mécréance sur eux, de se désavouer d'eux. Et il a rendu obligatoire sur eux le fait de mécroire à cette tawarit. Et le fait de se désavouer d'eux. Même s'ils sont ses frères. Même s'ils sont ses fils. Par Allah, tamassaku bi asli dinikum. Accrochez-vous à la base de votre religion. La'allakum talquna rabbakum, afin que vous rencontriez votre Seigneur. La tushrikuna bihi shay'a, sans lui rien lui associer. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Oh Allah, fais-nous mourir en muslimin et fais-nous rejoindre les salihin, les vertueux. Amin. la parole de Cheikh Mohammed lorsqu'il donne le conseil à certaines personnes sur le sens de la ilaha illallah. Et ensuite, il nous dit, c'est la dernière citation de Cheikh Mohammed, il dit, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى إن هؤلاء الطواغيت الذين اعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. Il dit, cela, ces tawarites, auxquels les gens croient qu'il est obligatoire d'obéir en dehors d'Allah. Voilà la définition qu'il nous donne, ou la caractéristique des tawarites à son époque. Des gens, ceux dont les gens croient qu'il est obligatoire d'obéir en dehors d'Allah. Ils sont tous des mécréants, des apostats. Kayfala, comment non? وَهُمْ يَحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ Alors qu'ils rendent permis ce qu'Allah interdit. وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ Ils interdisent ce qu'Allah a autorisé. Voilà la définition du tawarit. Qui s'applique parfaitement à notre époque aussi. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا Et ils sèment la corruption sur la terre. بِقَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَتَأْيِيدِهِمْ Par leurs paroles et leurs actes. وَمَنْ جَادَلَ عَنْهُمْ Et celui qui argumente à leur faveur. أَوْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ كَفَّرَهُمْ Ou qui reproche à celui qui les rend mécréants. أَوْ زَعَمَ أَنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا فَلَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ Ou qui prétend que leur acte, même s'il est nul, et invalide, cela ne les fait pas sortir vers la mécréance. فَأَقَلْ أَحْوَلْ هَذَا الْمُجَادِلْ أَنَّهُ فَاسِقْ لَا يُقْبَلْ خَطُّ وَلَا شَهَادَتُ Il dit, le minimum de cette personne qui argumente à leur faveur, c'est que c'est un fasiq, un grand pécheur, un pervers. On n'accepte pas son témoignage, c'est-à-dire dans le Qul Sharia, وَلَا يُصَلَّ خَلْفُ Et on ne prie pas derrière lui. Et ensuite, il dit, بَلْ Mais plus que cela, la sahdin l'islam illa bil bara'ati min ha'ula wa takfirihim. La religion de l'islam n'est pas authentique jusqu'à ce qu'on se soit désavoué d'eux et qu'on les ait rendus mécréants. Takfir. Qala ta'ala fa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa. Pardon. Celui qui croit au taghut et qui croit en Allah, il a serre saisie, lance la plus solide, et on va voir le tafsir de ce verset-là. Ensuite, il nous dit, cette parole est dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 10, la page 53. On voit le crime, clairement, la gravité du péché de ceux qui mettent les gens en garde, qui appellent les gens d'abord à adorer le tawarit en lui obéissant, les tawarites qui rendent permis le haram et qui rendent haram le halal, comme c'est à notre époque, qui légifèrent en dehors d'Allah et forgent des législations contraires à la législation d'Allah, que celui qui argumente à leur faveur et qui défend ou qui reproche à celui qui fait leur takfir et qui applique le jugement d'Allah sur eux, le minimum c'est que c'est un fasiq, on ne prie pas derrière lui. Mais en vrai, c'est que l'islam d'une telle personne, si la preuve est établie sur lui, il n'est pas authentique jusqu'à ce qu'il se désavoue d'eux et qu'il fasse leur takfir. Et on verra le détail sur cela à la fin de cette recherche sur la personne qui ne rend pas mécréant le tawhid en particulier. Amma ma'na al-iman billah, le sens de la foi à Allah. C'est quoi? Il nous dit le cheikh dans la suite de son épître, que tu crois fermement qu'Allah est le seul ilah digne d'être adoré, adoré seul sans associé. 2. Que tu rendes un culte pur par toutes les adorations pour Allah seul. Et que tu nies toute adoration à un autre adoré qu'Allah subhanahu. La quatrième, et que tu aimes les gens du culte pur et que tu les prennes pour alliés, et que tu détestes les gens du shirk et que tu les prennes comme ennemis. Ensuite, le shirk nous dit, un point important, nous dit, il dit cela est la religion d'Ibrahim. Celui qui la délaisse, il a certes fait preuve de faiblesse d'esprit. Et ceci est l'exemple, le bon exemple qu'Allah nous a informé dans sa parole. Et Allah nous dit, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَاتٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ Vous avez certes un bon exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Lorsqu'ils dirent à leur peuple, إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. On va voir l'importance de cela. Nous vous désavouons, vous d'abord, et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. كَفَرْنَا بِكُمْ Nous mécréons en vous. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا Et entre nous et vous, l'inimité et la haine ont commencé à jamais. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ C'est le verset 4 de sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé. قَالَ الشَّيْخ حَمَدِ بْنُ عَتِيقَ رَحِمَهُ اللَّهُ L'un des savants du Najd, qui est l'élève de Abd al-Rahman ibn Hassan, l'auteur de Fath al-Majid, qui est lui-même le petit-fils de Cheikh Mohammed al-Wahhab, qui s'appelle Hamad ibn Atiq. Hamad ibn Atiq, il dit: هذه نكتة بديعة في قوله إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله. Dans ce verset-là, on voit qu'Allah a fait passer le fait de désavouer les mushrikines qui adorent d'autres qu'Allah. Il l'a fait passer avant le fait de se désavouer des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. لأن الأول أهم من الثاني. Car le premier est plus important que le deuxième. Pourquoi? فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها. Car il peut se désavouer des idoles et ne pas se désavouer de ceux qui adorent ces idoles. فلا يكون آتيا بواجب عليه. Il n'aura pas fait l'obligatoire sur lui. أما إذا تبرأ من المشركين. Mais s'il se désavoue des mushrikines, فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. S'il se désavoue des mushrikines, cela implique forcément qu'il se désavoue de leurs idoles ou de ceux qu'ils adorent. وهذا كقوله تعالى. Et cela est comme la parole du Très-Haut dans Sourate Maryam, le verset 48, qu'est-ce qu'il nous dit? وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. Et je me sépare de vous. Ibrahim dit à son peuple, et je me sépare de vous et de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Wad'u Rabbi, et j'invoque mon Seigneur. Asa alla akuna bidu'a'i Rabbi shaqiyya. Et je serai certainement, je ne peux être déçu ou triste en invoquant mon Seigneur. Faqaddama i'tizalahum 'ala al-mushrikeena 'tizali ma'budatihim. Et le Cheikh Hamad ibn Atiq dit, et il a fait passer le fait de se séparer, c'est-à-dire physiquement, parce que le fait de se séparer dans la croyance, c'est une condition de tawhid, le fait de se séparer physiquement des mushrikines, c'est aussi, ça fait aussi parmi les tawhid. C'est pour ça qu'on essaiera d'en parler plus tard dans les règles qui sont liées à l'hijra. Donc Allah dans ce verset, il a fait passer le fait de se séparer des mushrikines avant le fait de se séparer de leurs adorés ou de leurs idoles. Tout cela, c'est dans Majmu'at al-Tawhid, dans une risala qui s'appelle سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. Il nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son épître en continuant: والطاغوت عام. Et le mot طاغوت est un mot général. في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة. De tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et accepte cette adoration. Cette condition est très importante. Le طاغوت, c'est celui qui accepte l'adoration. من معبود, parmi les adorés, أو متبوع, ou parmi les suivis, أو مطاع, ou qui est obéi, dans autre chose que l'obéissance d'Allah et de son messager. Tout cela est un tawhid. Le Cheikh, il a résumé une parole d'Ibn al-Qayyim que nous allons citer dans son ensemble. Dans cette parole-là, le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il s'est basé sur une parole d'Ibn al-Qayyim qu'on cite dans son livre I'lam al-Muqayyim, le volume 1, la page 42, il nous dit Ibn al-Qayyim: وَالطَّاغُوتُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ. Le tawhid et tout ce qui a dépassé la limite parmi les serviteurs, parmi les adorés, les suivis ou les obéis. فَالطَّاغُوتُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Le tawhid de tout peuple, c'est-à-dire le tawhid de chaque peuple, de chaque différent peuple, est celui qu'ils prennent comme juge ou duquel ils prennent le jugement en dehors d'Allah et son messager. أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ou qu'ils adorent en dehors d'Allah. أَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنَ اللَّهِ. Ou qu'ils suivent sans clairvoyance d'Allah. أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ. Ou qu'ils obéissent sans savoir si leur obéissance est en conformité avec l'obéissance d'Allah. Ensuite, il dit Ibn al-Qayyim: فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَمِ. Cela sont les tawarites que l'on trouve dans ce monde. إِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا. Si tu les médites, ces tawarites, et que tu médites les gens avec ces tawarites, رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله لعبادة الطاغوت. Tu verras que la plupart d'entre eux sont détournés de l'adoration d'Allah vers l'adoration du طاغوت. وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى الطاغوت. Ils se sont détournés du fait de prendre pour juge Allah et son messager seul au fait de prendre pour juge le طاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. Et qui se sont détournés du fait d'obéir au messager et de le suivre seul vers le fait d'obéir au Tawhid et de le suivre. Subhanallah, Ibn Qayyim dit à son temps, à son époque, que la plupart des gens à son époque se sont détournés de l'adoration d'Allah vers l'adoration du Tawhid. Que dire alors de notre époque? Le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab ensuite nous dit dans son épître: Wa tawaritu kathira wa ru'usuhum khamsa. Et les tawarites sont nombreux et leurs têtes sont au nombre de 5. C'est important. Le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, dans sa manière dont il écrit et il enseigne aux gens le Tawhid par des épîtres court. Cet épître-là qu'on est en train d'expliquer, il fait à la base une page seulement. Une page. De même, son épître, Nawaqid al-Islam al-Ashra, les 10 annulations d'islam, il fait aussi une page seulement. Or, c'est des livres qu'il faut étudier, pas une fois, étudier, comprendre, et réétudier constamment pour les appliquer. Pourquoi? Pour être sûr que la personne, elle est sur l'islam authentique, en mécrant ta route et en adorant Allah, et en s'éloignant des annulations de l'islam, par exemple. Là, dans ce cas-là, il a cité les 5 têtes de Tawarit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a que ces Tawarit? Non. Les Tawarit, ils sont extrêmement nombreux. De même, dans son épître, les 10 annulations d'islam, il a cité les 10 annulations d'islam principales, comme l'ont dit ses élèves. Celles qui font unanimité. Mais certains ulémas, comme il dit Sulayman Sahman, dans le premier volume de Torah al-Sani, elle explique que certains savants, ils ont rapporté plus de 400 annulations d'islam dans leur livre, dans le livre de l'apostat. Dans ce cas-là, c'est pareil. On va étudier 5 têtes des Tawarit, les 5 principaux Tawarit. Ça ne signifie absolument pas qu'il n'y a que cela dans le monde. Bien au contraire. Donc, il cite le premier. Al-awwal, al-shaytan al-da'i la'ibadati ghayrillah. Wa al-dalil qawluhu ta'ala, alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu al-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. Le premier Tawarit, c'est le shaytan qui appelle à l'adoration de notre Allah. Et la preuve de cela est la parole du Très-Haut. Ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, ce qui signifie, pardon, ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, de ne pas adorer le shaitan, il est certes pour vous un ennemi déclaré ou évident. Donc dans ce verset-là, on voit bien que Allah a engagé le fils d'Adam de ne pas adorer le diable, mais qu'une grande partie des fils d'Adam ont adoré le diable. On va voir comment se caractérise cette adoration, ou cette adoration du diable, et que c'est ce qui est voulu par là, c'est l'obéissance au shaitan, et le fait de suivre sa législation. On va le voir par la suite. Donc on passe le point suivant, parce que ça revient au même point. Il dit, le deuxième thani, le deuxième tarot, qu'on va détailler pour son importance à notre époque. Al-hakim al-ja'ir, al-mughayyir ahkamillah. Le juge ou le gouverneur injuste, ja'ir, qui change les lois d'Allah, ahkamullah. Wa-dalil qawluhu ta'ala, et la preuve de cela, c'est-à-dire la preuve que le juge ou le gouverneur injuste qui change les lois d'Allah est un tarot. Et il a cité le verset 60 de la sourate 4, sourate An-Nisa, lorsqu'il dit « Alam tara ila alladhina zu'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik » N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été descendu sur toi, ce qui a été descendu avant toi ?« Yuriduna yatahakamu ila tarut » Ils veulent prendre pour juge le tarut. « Wa qad umiru an yakfuru bih » Alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui. « Wa yuridu shaytana an yudillahum dalalan ba'ida » Et le diable veut les égarer loin dans l'égarement. Donc, on va détailler ce point, très important. Déjà, la preuve que ce gouverneur injuste qui change les lois d'Allah, c'est ce qu'on appelle Al-Musharri' min dunillah, le législateur en dehors d'Allah. Allah dit dans Surat Yusuf, le verset 40, Inil hukmu illa lillah. Le hukm, le jugement, n'appartient qu'à Allah. Et il dit dans le verset 26 de Surat Al-Kahf, وَلَا يُشْرِكُوا فِي حُكْمِهِ أَحَدًا Et il n'associe personne dans son jugement. Allah n'associe personne dans son jugement. Al-Shanqiti, Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, qui est un savant mauritanien installé en Arabie au début du siècle précédent bien sûr, nous dit dans son tafsir qui s'appelle Adwa Al-Bayan, il nous dit وَيُفْهَمْ مِنْ هَذِي الْآيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ وَلَا يُشْرِكُوا فِي حُكْمِهِ أَحَدًا Et l'on comprend de ces versets, comme sa parole, qui signifie, dans Surat al-Kahf qu'on vient de citer, et il n'associe personne dans son jugement. Anna muttabi'i ahkam al-musharri'ina ghayri ma shara'ahu Allah annahum mushrikuna billah. On comprend de ce verset que ceux qui suivent les lois des législateurs en dehors de ce qu'Allah a légiféré sont des mushrikun, sont des associateurs avec Allah. Wa hadha al-mafhoum ja'a mubayyanan fi ayatin ukhra. Et cette compréhension est venue explicitement dans d'autres versets. Car قوله في من تبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله comme sa parole au Très-Haut, lorsqu'il nous parle de ceux qui ont suivi la législation du diable, lorsqu'il leur a autorisé la viande trouvée morte, en prétendant que cela, que cette viande-là a été sacrifiée directement par Allah, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans l'explication du verset 121 de Surat Al-An'am, la Surat 6, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق Et ne mangez pas ce sur quoi le nom de notre qu'Allah a été prononcé. Car ceci est du fisq, de la perversité, du grand péché. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Car les démons révèlent à leurs alliés parmi les hommes, c'est-à-dire d'argumenter avec vous, de débattre avec vous. Et si vous leur obéissez, vous serez certes des mouchriks. Celui qui obéit à ces démons, ou alors aux démons humains qui légifèrent en dehors d'Allah et qui suivent leur législation, ils deviendront, s'ils les obéissent, ils deviendront des mouchriks. Il dit, Shantriti, après ce verset, فَصَرَّحَ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِطَعَاتِهِمْ. Allah nous a montré qu'ils sont des mushrikoun, des associateurs, par cette obéissance. وَهَذَا الْإِشْرَاكُ فِي الطَّاعَةِ. Et ceci est du shirk, de l'association, dans l'obéissance. وَاتِّبَاعُ التَّشْرِيعِ مُخَالِفِ مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُرَادُ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ. Et il dit, lorsque Allah nous parle de suivre la législation qui s'oppose à ce qu'Allah le Très-Haut a légiféré, c'est cela la signification de l'adoration du diable qui est venu dans le verset que nous avons cité précédemment. Alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan. Ne je vous ai-je pas engagé au fils d'Adam de ne pas adorer le diable? Innahu lakum aduwwun mubin. Il est certes pour vous un ennemi évident. Wa an i'buduni, et de m'adorer en moi, Allah, hadha siratun mustaqim. Cela est le sentier droit. Ce verset d'un savant relative, cette explication d'un savant relativement contemporain qui compte parmi ses élèves des savants qui aujourd'hui sont des références pour de nombreuses sectes. Par exemple, on sait que Mohamed Al-Amin Shankriti, parmi ses étudiants, ses principaux étudiants, il y a Al-Uthaymin, par exemple, ou d'autres que lui. Ça nous montre que cette compréhension-là, le fait que les législations qui sont faites en dehors d'Allah sont des législations de shirk, toutes les lois forgées qui sont répandues dans les pays anciennement islamiques, les terres anciennement islamiques, on voit que c'est clair chez les ulama, et que cette compréhension, elle est claire dans le Coran, et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur cela. Et qu'il ne nous parle pas non plus de mécréance du cœur ou de choses comme ça. Non, il nous parle vraiment, le fait de légiférer en dehors d'Allah, c'est du shirk, le fait de suivre les législations de notre Allah, c'est du shirk, et c'est de l'adoration du diable. Dans ce sens-là, le Cheikh l'islam, dans le sens de la législation, et du fait de rendre permis ce qu'Allah interdit ou inversement, le Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah a une parole très claire qui est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 3, la page 167. Il nous dit: wal insan, et l'homme, n'importe quel homme, mata halal al-haram al-mujma' alayh, lorsqu'il rend permis l'interdit qui fait unanimité, ou harram al-halal al-mujma' alayh, ou qu'il interdit le permis qui est à l'unanimité, ou badal al-shar' al-mujma' alayh, ou qu'il change la législation qui fait unanimité, il est un mécréant murtad à l'unanimité des muslimines. Il n'y a pas de divergence entre les muslimines. Celui qui diverge avec ça, il n'est pas musulman. C'est un ijma' clair de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah dans Majmou' al-Fatawa. Cela nous montre clairement que les gouverneurs qui font des législations complètes et qui changent la charia totalement ou en partie, comme c'est le cas dans certains pays comme l'Arabie Saoudite par exemple, en faisant ça, ils sont des mécréants apostats à l'unanimité des musulmans, comme l'a dit Moutémir, et les versets qui ont été cités précédemment en sont des preuves claires. Un savant contemporain, qui s'appelle le Cheikh Abdelkader ibn Abdelaziz, dans son livre grandiose qui s'appelle « Jami' fi Talab al-Ilm al-Sharif » à la page 854, il nous explique. Il nous dit à l'époque, à notre époque, « Al-Istihlal, al-Tashri'a » Clairement, qu'est-ce que c'est? Le fait de rendre permis ce qu'Allah nous donne, c'est pour ça que je l'ai cité, ce savant contemporain, parce qu'il nous donne une application actuelle et contemporaine de l'istihlal, de ce qu'il dit. Wa min suwar al-istihlal, et parmi les formes de l'istihlal à notre époque, al-nutq, le fait de faire l'istihlal par la langue. Al-qasam alladhi yuqsimuhu ruwasa' ad-dawl wa ghayruhum 'ala iltizam bid-dustur wal-qawaneen al-wad'iyyah. الوضعيين وهما من الشرائع الباطلة المحرمة فإنه يقسم على وجوب العمل بالحرام ويوجبه على غيره. Il dit parmi ces choses-là, le fait de faire l'istihlal par la parole. Comment? Lorsque les présidents des pays ou les parlementaires jurent et font un serment de respecter et de suivre la constitution et les lois forgées du pays. Et cela font partie des législations nulles et interdites. Et malgré cela, il jure de respecter ses constitutions. Comme on a vu il n'y a pas longtemps en Égypte, les membres de Hizb al-Nur, du parti de la lumière, qui est soi-disant salafi, des gens avec des barbes, des grosses barbes, quoi que ce soit, qui sont rentrés au Parlement et qui ont juré de respecter la législation. Et ils ont rajouté comme ruse « Fi ma la yukhalifu shara'Allah » dans ceux qui ne s'opposent pas à la législation d'Allah. Mais la base du dostour, la base de la constitution, elle s'oppose à la sharia d'Allah. C'est que l'homme a le droit de légiférer. Donc, de toute façon que tu dises ça ou pas, ce qasam est de la mécréance. Ce serment est de la mécréance. Ben, bil-kitaba, ils ont fait l'istihlal et la législation par l'écriture. Ma tanussu alayhi hadhihi ad-dasatir wal-qawaneen min ibahati al-muharramat al-qat'iyya kar-riba waz-zina wal-khamr wal-maisir wal-tabarruj wal-funun al-maajina wa ibahatu dam al-muslim wa malihi bighayri haqq. Il dit la deuxième forme d'istihlal par l'écriture. Pourquoi? Car ces constitutions et ces lois implique clairement la permission des interdictions connues de la charia, comme quoi? Comme la riba, le prêt à intérêt et l'usure, az-zina, la fornication, khamr, l'alcool, al-maysir, les jeux de hasard, at-tabarruj, le fait de ne pas porter le hijab pour la femme. Pourquoi? Parce que ces constitutions impliquent clairement que ces choses-là ne sont pas des crimes. Ce ne sont pas des crimes, ce sont des choses permises. La riba, c'est permis dans les banques. Le khamr, c'est permis d'en vendre si on a une autorisation de l'État. Ça, c'est du istihlal. C'est pas simplement le fait d'inciter quelqu'un à faire un péché qui n'est pas de la, ou faire un péché qui n'est pas de la mécréance. Non, ça, c'est de l'istihlal clair. Il le dit ensuite. Comment ça se dit pratiquement, de manière pratique, pardon, dans ces législations? Comment? Il dit la première. La première. Parmi cela, le fait qu'il y ait clairement, textuellement dit dans ces constitutions qu'il est obligatoire de faire l'interdit. Comment? Parce que dès ces constitutions, elle nous dit que il faut juger dans les tribunaux par le qanun, par la loi forgée. Ça, c'est clairement, si on se base sur les morgia, le fait de juger par une loi forgée, c'est de la mécréance mineure. Quelqu'un qui dit que la mécréance mineure est obligatoire, il sort de l'islam, même chez les Mourgia, les Jahmiya et toutes les sectes égarées. Nous, on sait que c'est de la mécréance majeure. Donc, ils obligent, dans ces constitutions, la mécréance majeure. Et un juge, par exemple, une personne qui voudrait être juge dans un tribunal et qui dirait, ben maintenant, je juge par la charia dans ce tribunal, admettons qu'il se repente, quoi que ce soit, il n'a pas le droit. Parce que le jugement dans ces tribunaux doit être fait par la loi de l'État égyptien qui a été enregistrée à la Chambre des députés, qui ensuite est passée par le. Comment ça s'appelle? Par le chemin normal de toutes les lois dans les démocraties ou dans les pays de mécréance. Ensuite, il dit وَمِنْهَا النَّصَّ عَلَى إِبَاحَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ. Il dit, il y a dans ces constitutions, textuellement, le fait que le sang du musulman est permis, sans qu'il ait, sans devoir, sans droit légiférer. Comment? فَقَوَانِينُهُمْ تُبِيحُ بَلْ تُوجِبُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ إِذَا خَرَجَ عَلَى الْحَاكِمِ الْكَافِرِ. Leur loi, leur constitution, rend obligatoire le fait de tuer le musulman s'il se rebelle contre le hakim kafir. Alors que ça, c'est une obligation dans la charia. Mais là, s'il se rebelle contre l'État, il est condamné à mort. Il dit وَمِنْهَا مَنْحَ التَّرَاخِيصَ التِّجَارِيَ لِمُزَاوَلَةِ الْمُحَرَّمَاتِ. Parmi cela, le fait que ces constitutions donne des autorisations commerciales pour pratiquer l'interdit. Katarchis lil bunouk bi muzawarat al-riba. Il donne l'autorisation aux banques de pratiquer la riba. C'est le cas en Arabie Saoudite. Celui qui va faire le hajj, qui sort de la mosquée al-haram et qui fait quelques 100 mètres ou 200 mètres, trouvera des banques qui pratiquent la riba avec l'autorisation du gouvernement saoudien. La banque française saoudienne, la banque anglaise saoudienne, etc., etc. Et à Médine, elles sont à 200-250 mètres de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَالتَّرْخِيصُ بِفَتْحَ الْمَرَاقِيسِ وَصَلَاةِ الْقِمَارِ الْمَيْسِرِ. Il donne ces états l'autorisation pour ouvrir des discothèques et des endroits où on joue aux jeux d'argent et aux jeux de hasard, des casinos par exemple. Et des endroits où on vend l'alcool, et même dans certains pays, comme c'était le cas en Algérie, des maisons où l'on pratique la fornication. Ce qu'on appelle des bordels. Des endroits, des maisons où l'on pratique la fornication, qui étaient à certaines époques gardées par des militaires algériens pour pas que certains musulmans ordonnent le bien et interdisent le mal. والترخيص والرخصة هي الإذن في شيء والإذن إباحة كما ذكر ابن المنظور في لسان العرب. Lorsque l'on dit que ces gens-là donnent un tarkhis, une autorisation. En arabe, le tarkhis, l'autorisation, c'est une partie de l'ibaha, de la permission. Donc c'est clairement de l'istihlal. Ça rentre clairement dans l'istihlal, comme nous dit Ibn Taymiyyah, qu'il y a unanimité sur la mécréance de celui qui pratique ce istihlal-là. Donc ça nous montre vraiment la mécréance de ces gouvernements-là. Pas simplement du gouvernement dans le sens un peu politique du terme, c'est-à-dire les gens, ils ont conscience, certains, ceux qui ont un peu ouvert les yeux, que oui, le président est kafir. La mécréance ne se limite pas au président dans ce cas-là, elle se limite dans tout ce qu'on appelle le gouvernement, c'est-à-dire non seulement le président, mais ses députés, mais ses ministres, mais les juges, mais les membres du Parlement, et tous ceux qui servent, et on le verra à la fin, parce qu'on a une partie sur Hukm Ansar al-Tarut, le jugement de ceux qui portent secours au Tarut, ça s'applique aussi aux militaires, aux polices, aux policiers, au système de renseignement, etc., etc. Et à tous ceux qui leur portent secours et qui les appuient dans cette mécréance-là, c'est-à-dire le fait de changer la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les sortes de l'istihlal, « wa minha nassu ala ibahati al-haram bi-itlaq, ka ibahati al-ridda bin-nas fi-dasatir ala anna hurriyat al-i'tiqad makfoula. » Il dit parmi cela, le fait qu'il y a clairement et textuellement dans ces constitutions le fait de rendre permis l'interdit. Comment? Parce qu'il y a dans ces constitutions un article qui dit, et dans toutes les constitutions démocratiques du monde entier, c'est une des conditions pour être aux Nations Unies, etc. Hurriyat al-i'tiqad makfoula. La liberté de conscience ou la liberté de croyance est garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté d'apostasier et de changer de dîn. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans Sahih al-Bukhari, il s'est rapporté par Ibn Abbas, « Man baddala dîna faqtulu » Celui qui change de religion, c'est-à-dire devient apostat après avoir été musulman, tuez-le. C'est-à-dire que le juge shari dans un tribunal islamique doit lui demander de se repentir pendant 3 jours, selon l'avis le plus juste, et ensuite appliquer la peine de mort sur lui s'il refuse. Voilà l'épreuve de la charia. On a cité des versets du Coran clairs, une ijma' claire de Ibn Taymiyyah, qui a été citée par Ibn Taymiyyah, l'épreuve de la charia, et ensuite l'épreuve, si l'on veut, et c'est comme ça qu'on juge une chose dans la charia, en connaissant hukm Allah fi, le fait de connaître le jugement d'Allah sur lui, le fait de connaître la réalité de cet acte-là. On voit la réalité de ces constitutions et de ces états et de ces gouvernements et comment ils sont mécréants selon le livre d'Allah et à l'unanimité des musulmans. Maintenant, on va s'intéresser au verset qu'il a cité le cheikh Mohamed Abouhab, qui est le verset du tahakum ila tahoud, du fait de prendre jugement du tahoud. On répète ce verset et on va citer quelques paroles des ulama sur celui-ci. Les éléments anciens et contemporains, Allah dit: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. N'as-tu pas vu à ceux qui prétendent croire à ceux que nous avons fait descendre sur toi et à ceux que nous avons fait descendre avant toi? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ils veulent prendre pour juge le taghut. Wa qad umiru an yakfuru bi. Alors qu'ils veulent, on leur a ordonné de mécroire en lui. Wa yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'ida. Et le diable veut les égarer loin dans l'égarement. Ibn Kathir a dit à propos de ce verset, « Hadha inkaru min Allah » Ceci est un reproche d'Allah lui-même. « Azza wa jal, ala man yadda'i iman bima anzal Allahu ala rasulihi wa ala al-anbiya al-aqtamin » C'est un reproche envers celui qui prétend avoir foi en ce qu'Allah a révélé sur son messager et sur les prophètes qui l'ont précédé. « Wa huwa ma'a dhalik, yuridu at-tahakumi fi fasl al-khusumat » Et avec cela, il veut quand même prendre le jugement pour trancher dans les divergences. Il a rayé kitab Allah wa sunnati rasuli. À autre que le livre d'Allah et la sunna du messager. Kama dhukira fi sabab nuzul hadhihi al-aya, comme il a été rappelé dans la cause de la révélation de ce verset, anha fi rajulin min al-ansar wa rajulin min al-yahud takhasama faj'ala al-yahudi yaqul bayni wa baynaka Muhammad. La cause de la révélation de ce verset, c'est qu'un homme parmi les Ansar et un homme parmi les Yehoud, parmi les Juifs, ont divergé et se sont disputés. Le Juif a dit, entre toi et moi, il y a Mohammed. Nous allons demander le jugement de Mohammed. Et l'Ansar a dit, entre toi et moi, il y a Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un des Juifs et un ami du prophète. Et il a été dit que ce verset est descendu sur un groupe de munafiqin, mimman azharu l'islam, qui ont fait apparaître leur islam, Arad yatahakamu ila hukam al-jahiliya. Ils ont voulu prendre le jugement des gouverneurs ou des chefs de la jahiliya. Wa qila ghayra dhalik. Il a été dit autre chose que cela. Wal ayatu a'ammu min dhalika kulli. Et ce verset est plus général que cela. Fa innaha dhammatun liman 'adala 'an kitabi was-sunnah. Ce verset reproche à toute personne qui se détourne du livre de la sunna et qui prend le jugement d'autre que cela parmi les choses fausses, et c'est le sens de tarout ici. Donc on voit que dans ce verset, la cause de révélation, c'est deux personnes qui ont divergé et qui ont voulu retourner non pas au prophète ou à sa révélation, mais retourner vers les quoi? Vers les gouverneurs de la Jahiliya, et dans une version à Ka'b ibn Ashraf, un juif qui a été cité, qui a été dans d'autres versets appelé tarout en tant que tel. Donc on voit que lorsque la divergence entre deux personnes les pousse à aller trancher leur divergence devant une autre loi que celle d'Allah, ils ont demandé le jugement du Tarout et annulé leur islam. Qal al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, tout ça c'est dans Tafsir ibn Kathir, Abdurrahman ibn Hassan a dit dans son livre Fath al-Majid, à page 369 de l'édition d'Al ibn Hazm, en arabe, il dit « فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَنْ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Toute personne qui s'oppose à ce qu'Allah a ordonné et à son messager, en jugeant entre les gens par autre que ce qu'Allah a révélé, ou demande cela, c'est-à-dire demande le jugement de notre qu'Allah et son messager, en suivant sa passion et ce qu'il veut, il a littéralement enlevé l'islam de son cou, c'est-à-dire il est sorti de l'islam et de l'iman, il est devenu mécréant. Même s'il prétend être croyant, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ. Car Allah a reproché à ceux qui ont voulu cela. وَأَكْذَبَهُمْ فِي زَعْمِهِمَ الْإِيمَانِ. Et il les a démentis dans leur prétention d'avoir la foi. D'accord. فَضُمْنِ قَوْلِهِ يَزْعُمُونَ مِنْ نَفْكِ الْإِيمَانِ. Car il a dit, ils prétendent croire à ce qui a été يَزْعُمُونَ فِي نَفْكِ إِيمَانِهِمْ. C'est une négation de leur foi. فَإِنَّ يَزْعُمُونَ إِنَّمَا يُقَالُ غَالِبًا لِمَنِ ادَّعَى دَعْوَى وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ. Cette expression, يَزْعُمُونَ, ils prétendent, on le dit en général, à une personne qui a une prétention dans laquelle il est une prétention mensongère. لِمُخَالَفَتِهِ لِمُوجِبِهَا وَعَمَلِهِ بِمَا يُنَافِيهَا. Car il s'oppose à ce qu'implique cette prétention, ou il fait ce qui nie cette prétention. وَيُحَقِّقُ هَذَا قَوْلَهُ. Et cela est établi par la parole d'Allah dans ce qui suit. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. On leur a ordonné de mécroire en lui. لِأَنَّ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ رُكْنُ التَّوْحِيدِ. Et dit, on leur a ordonné de mécroire en lui. Car le fait de mécroire au Tawhid est le pilier du Tawhid. كَمَا فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ. Comme dans le verset de Surat al-Baqarah, verset 156. فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الرُّكْنُ لَمْ يَكُنْ مُوَحِّدًا. Il dit, si ce pilier n'est pas établi, il ne sera pas muwahhid. Il n'aura pas le Tawhid. والتوحيد هو اساس الايمان الذي تصلح به جميع الاعمال. Et le tawhid est la base de la foi par lequel tous les actes seront bons. وتفسد بعدمه. Et par lequel l'absence du tawhid signifie que tous les actes seront mauvais ou corrompus ou nuls. كما ان ذلك بين في قوله تعالى. Comme cela est clairement explicité dans la parole du Très-Haut, فمن يكفر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui mécroit au Tarot et qui croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide. Et il finit par cette parole, très importante. وَذَلِكَ أَنَّ التَّحَاكُمَ إِلَى التَّارُوتِ إِمَانٌ بِهِ. Car le fait de prendre pour juger le Tarot, c'est avoir foi en lui. En fait, Fath al-Majid. Il dit... On a demandé au cheikh, non pardon, c'est le cheikh parmi les contemporains, il est emprisonné en Arabie depuis de nombreuses années maintenant, 9 ans. Le cheikh Ali al-Khudair, Fakallahu Asra, dit dans son explication de l'usul al-thalatha, en ce qui concerne le fait de prendre jugement au tarot, il dit « Mas'ala, arafna hukman hakama ghayra man zalla, baqiya hukman tahakama ila ghayri man anzalla, kalladhi yatahakama al-mahakim ghayra shar'iyya, ala nafs taqsim al-sabiq kattali. » Il dit « Nous avons su précédemment, il a expliqué précédemment, le jugement de celui qui juge par ce que, autre que ce qu'Allah a fait descendre. Nous aussi, on l'a précédemment explicité. et on va le détailler un peu plus par la suite. Il dit, il nous reste maintenant à savoir quel est le jugement de celui qui demande le jugement d'autre que ceux qu'Allah, comme ceux qui prennent le jugement auprès de tribunaux qui ne sont pas islamiques. Il dit le premier, Alif, il ذهب إلى المحاكم الوضعية وهو يعتقد أنها أفضل أو مثل ما أنزل الله أو أنه يجوز الذهاب إليها فهذا كفر أكبر. S'il va à ces tribunaux forgés en croyant que cela est mieux que la législation d'Allah ou égal à la législation d'Allah, ou que cela est permis, le fait d'aller à ces tribunaux, cela est de la mécréance majeure. Ça le fait sortir de l'islam. Et il cite comme preuve, « Afahukm al-jahiliyati yabghoun » Est-ce le jugement de la jahiliya qu'il désire ?« Wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun » Et quel meilleur jugement que celui d'Allah pour un peuple qui ont la certitude. Et il cite la parole d'Allah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et la parole du Très-Haut qui signifie, non par ton Seigneur, ils ne croiront pas, jusqu'à ce qu'ils t'aient pris pour juge dans ce en quoi ils divergent, et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu as décidé, et qu'ils se soumettent en toute soumission. Le deuxième cas, qui nous cite le Cheikh Ali Al-Khodir, je tiens à apporter la précision comme quoi, dans les cas de mécréance, lorsqu'on dit telle personne qui fait telle chose, c'est un mécréant apostat, comme ce qui vient d'être cité, il faut voir, et on va le voir dans ce qui suit, la différence qui n'est pas générale entre l'acte et celui qui commet cet acte. C'est-à-dire l'acte peut être de la mécréance, et celui qui commet l'acte n'est pas forcément mécréant. Il faut être sûr, il y a ce qu'on appelle des dawabit au niveau du takfir al-mu'ayyan, des règles au niveau du takfir de l'individu en particulier, savoir s'il a bien prononcé cet acte, c'est l'acte qu'il a prononcé bien de la mécréance, s'il n'est pas concerné par les empêchements du takfir qui sont au nombre de 4, soit qu'il soit d'une ignorance qu'il excuse, sachant que l'ignorance n'est pas une excuse dans tout, qu'il n'est pas de fausse interprétation ta'wil, c'est-à-dire qu'il ait pensé qu'un dalil, qu'une chose était un dalil pour la permission d'une chose ou quoi que ce soit, qu'il ne soit pas sous la contrainte qui soit établie, ou qu'il n'ait pas prononcé une telle parole sous l'effet d'un lapsus ou en se trompant du sens ou dans une langue qu'il ne connaît pas, ou quoi que ce soit, ces quatre empêchements du takfir qui demandent d'être détaillés. Donc ne pas se précipiter lorsqu'on sait que tel acte est de la mécréance, celui qui le commet, ne pas se précipiter dans son takfir en particulier jusqu'à savoir que ces conditions soient bien remplies. Ça ne s'applique pas dans tout. Bien sûr, celui qui est connu pour, comme nous avons dit précédemment, être un tarout qui change la législation d'Allah, il faut faire son takfir en particulier. Celui qui est connu pour être un adorateur d'un autre qu'Allah, comme les adorateurs de tombes ou ceux qui sacrifient pour les djinns, on prononce son takfir en particulier. Celui qui délaisse la salat totalement et qui est connu pour ne pas prier, on le considère comme un mécréant apostat en particulier. On applique sur lui les règles du mécréant apostat, interdiction de se marier avec lui, annulation du mariage s'il est marié avec une musulmane, interdiction de manger ce qu'il sacrifie, même s'il prononce le nom d'Allah, selon l'avis des savants qui l'ont cité comme unanimité, le fait de ne pas prier derrière lui, etc. etc. Le deuxième cas, nous dit Cheikh Ali Al-Khudair, « Ba yadhabu ila al-mahakim al-shara'iyya, sawa'an ghalaba dhahabihi, aghlab dhahabihi, wa aqalla dhahabihi, fala farq, bima'na kullu man dhahaba ila al-mahakim al-wada'iyya, bi-ikhtiyarihi, wa raghbatan minh, aliman bi-annaha wada'iyya, fahuwa yakfur kufran mukhrijan min al-millah. » Il dit, une personne qui va aux tribunaux forgés, aux tribunaux qui gouvernent par des lois forgées, volontairement, en sachant qu'ils sont forgés, cette personne-là sort de l'islam, une mécroix, une mécréance qui le sort de l'islam. C'est ce qu'il dit le Cheikh Ali Al-Khodir. Et il a cité le verset que nous avons cité précédemment, le verset 60 de la Surat 4. C'est dans son livre Al-Wijaz, Sharh Usul al-Thalatha, page 75. On a demandé, je cite, ces questions-là sont des questions contemporaines, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tribunaux forgés dans l'histoire des musulmans, sauf dans très peu de cas, des tribunaux qui ne jugent pas par la charia dans les terres d'islam, ou des gens qui ne jugent pas par la charia dans les terres d'islam, c'est arrivé qu'à très peu de moments dans notre histoire, et c'est quelque chose de très récent dans l'histoire des musulmans, à peu près le XVIIe siècle. Les lois forgées ont été introduites en Égypte à l'époque de Mohammed Ali Bacha, un Albanais, qui travaillé entre guillemets pour l'Empire ottoman, cette époque, et elles ont été introduites dans les derniers jours ou le dernier siècle de ce de ce que certains appellent le califat, l'Empire ottoman en Turquie, qui n'était pas un califat bien sûr. Donc, on ne trouve pas chez les anciens que de manière générale ces questions-là. On le trouve chez les contemporains. On le trouve chez des savants qui sont relativement contemporains, qui ont vécu ces choses-là, comme les savants du Nejd, les élèves de Mohammed ibn Abdelwahab, ou Shawkani aussi, je n'ai pas cité, mais je pourrais le citer, et d'autres que cela, bien sûr, parmi les contemporains. On a demandé au Cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, fakallah asra, dans une de ses fatwas, à propos de gens qui font du commerce. Et qui, lorsqu'on les paye pas, qui font crédit, et lorsqu'on les paye pas, il dit est-ce qu'on peut aller porter plainte devant les tribunaux et ramener les gens devant les tribunaux pour qu'ils nous payent? Il nous dit wa ali fa in kana at-tahakum ila hadhihi al-mahakam mas'ula 'anha min jins at-tahakum at-taghuti fala yajuz lakum al-iqdam 'alayhi wa laysa mimma dhakartumuhu ikrahan mu'tabaran yasughuhu yusawwigh lakum dhalik. Il dit, si jamais le fait de porter plainte ou de demander le jugement aux tribunaux fait partie du tahakum at-taghuti, c'est-à-dire du fait de demander le jugement du taghut. Cela n'est permis en aucun cas, et il n'est pas permis de le faire. Et ce que vous me citez, c'est-à-dire le fait qu'ils ont de l'argent à récupérer, n'est pas une contrainte acceptable dans la charia. Ça ne leur permet pas de faire la mécréance. Je commente la fatwa du shir, parce qu'on sait que la mécréance n'est permise que sous la contrainte établie. Car Allah dit dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf ceux qui sont sous la contrainte, alors que leur cœur est plein de sérénité de la foi. Et la contrainte, qui a été établie par les savants, comme Ibn Hajar dans Fath al-Bari et d'autres, c'est avec des conditions précises que nous citerons plus tard, inshallah. Et il faut que cette contrainte soit une menace de mort, soit un emprisonnement, soit carrément des coups, soit un emprisonnement, soit une menace de mort établie. Sinon, le fait de perdre ses biens n'est pas une contrainte qui permet le fait de demander le jugement du Tarot. Ensuite, il dit, et c'est important, il dit, ولذلك نفرق بين دعوتنا إلى اجتناب هذه المحاكم والحكم عليها بالكفر أو الحكم على التحاكم إليها بالكفر عموما وبين التكفير كل من تعامل معها أو تحاكم دون النظر في الموانع والشروط. Il dit, nous faisons la différence dans notre da'wa, dans le fait que il faut s'écarter de ces tribunaux et il faut juger que ces tribunaux sont de la mécréance et que prendre le jugement de ces tribunaux est de la mécréance de manière générale. Donc c'est clair que le Cheikh Abu Mohammed, contrairement à ce que lui attribuent certaines personnes, considère que le fait de prendre le jugement de ces tribunaux est de la mécréance et que ces tribunaux sont de la mécréance, bien sûr, c'est évident. Il dit, nous faisons la différence entre cela et quoi? Et entre le fait de faire takfir des gens qui vont prendre le jugement de ces tribunaux sans regarder les empêchements et les conditions du takfir. وَدُونَ التَأَمُّلْ نَوْعَ التَّحَاكُمْ وَدُونَ مُرَاعَةَ التَّأْوِيلِ فِي الْإِكْرَاهِ. Et sans, il faut faire attention de bien méditer et de comprendre ce qu'est en réalité la demande de jugement, le tahakum, et de voir le ta'wil, la fausse interprétation, dans la contrainte. C'est-à-dire il y a des gens qui pensent être de la contrainte, ce qui n'est pas de la contrainte. Ils peuvent être excusés dans le takfir. Ça n'empêche pas que l'acte qu'ils commettent est de la mécréance. Mais le takfir, en particulier sur ces personnes-là, doit être fait après qu'on leur explique les choses. Il dit, et tout cela est une condition. واقع الاستضعاف الذي يعيش المسلمون في ظل عدم وجود سلطان حكم الله في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الأرض. Il dit, tout cela est une conséquence de la faiblesse que vivent les musulmans à notre époque dans le fait qu'il n'y a pas de force à la loi d'Allah sur la terre. C'est-à-dire que il n'y a pas d'endroit, en fait, il y a peu d'endroits où le jugement d'Allah est appliqué sur la terre. Le Cheikh Mohammed ibn Abdouha, pour revenir à l'épître que nous expliquons, il cite ensuite la troisième tête du Tawhid. Il dit Al-Thalith alladhi yahkumu bighayri ma anzalallah. La troisième tête du Tawhid, celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a révélé. والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et la preuve et la parole du Très-Haut, et ce qui ne juge pas, ce qui signifie, ce qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont al-kafirun. C'est le verset 44 de Sourate Al-Ma'idah. Beaucoup d'encre a coulé et beaucoup de salive a été dépensée sur ce verset-là. Est-ce que ce verset-là est une preuve suffisante pour jeter la mécréance sur les gouvernements et les groupes gouvernants dans les pays qui étaient anciennement des terres d'islam? On va essayer d'analyser cette question, parce que c'est une question importante, dans l'explication de cet épître-là. Mais on voit ici que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait la différence dans la deuxième tête du Tarot et la troisième tête du Tarot entre le juge injuste qui change les lois d'Allah et celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a fait descendre. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le législateur, celui qui légifère en dehors d'Allah, qui change la sharia, il peut légiférer et changer la loi d'Allah sans juger. Comme par exemple les parlementaires. Les parlementaires, les membres du parlement, les députés, sont des gens qui, entre guillemets, légifèrent. Ils font des lois. Est-ce qu'ils jugent par ces lois? Non. Ceux qui jugent par ces lois, ce sont les juges dans les tribunaux. Pareil, dans les pays qui étaient anciennement des terres d'islam, c'est comme ça que ça se passe. Le tarout, le président, par contre, il est tarout dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il a le droit de légiférer qui lui a été garanti par la Constitution, le roi ou le président, dans tous les pays arabes ou non-arabes qui se prétendent d'être pays musulmans. Le deuxième, et il a le deuxième droit qui est le fait de juger par cette loi, lui, et d'appliquer ces lois. On va s'intéresser dans un premier temps à la cause de révélation de ce verset et la voir clairement. Ensuite, on verra quelques paroles des savants pour mieux comprendre cette chose-là et mieux comprendre l'ambiguïté que sortent certains, qui est l'ambiguïté comme quoi la mécréance dans ce verset-là serait du kofr, d'un kofr, serait de la mécréance mineure qui n'exclut pas celui qui le commet de l'islam, et on verra que cela est faux dans le cas précis qui nous concerne. En ce qui concerne la cause de révélation de ce verset, Ibn Kathir, Al-Hafidh Ibn Kathir a dit dans son tafsir, il a rapporté le hadith qui est rapporté lui-même par l'imam Muslim dans son sahih, avant eux, l'imam Ahmed dans son musnad, l'imam Muslim dans son sahih, l'imam Abu Daoud dans son sunan, Al-Nasa'i dans son sunan, Ibn Majah. Et tout cela, je le cite du tafsir Ibn Kathir. Il dit « An al-Bara ibn Azib qal » مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقالوا نعم. Il dit à Médine, donc un homme, un juif est passé monté sur un âne devant le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم alors qu'il avait le visage noirci et qu'il avait été frappé. Il appela les juifs et leur dire: c'est comme ça que vous trouvez le châtiment du fornicateur dans votre livre? Ils lui dirent oui. Fada'a rajulan min ulama'ihim faqal anshudaka billadhi anzala at-tawrat 'ala Musa. Il allait voir un parmi les savants et leur dit: jure-moi par celui qui a fait descendre la Torah sur Moussa. Ahakada tajiduna hadd az-zani fi kitabikum? Est-ce comme cela que vous trouvez le châtiment du fornicateur dans votre livre? Faqala la wallah. Il dit, au nom par Allah, et si tu ne m'avais pas fait jurer par cela, je ne t'en aurais pas informé. Nous voyons que la sanction du fornicateur dans notre livre est la lapidation. Mais la fornication s'est répandue chez nos nobles. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَا. Si nous prenions un noble qui forniquait, nous le laissions partir. وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. Et si nous voyons quelqu'un de faible, de pauvre, nous appliquions sur lui la peine. فَقَالُوا تَعَالُوا حَتَّى نَجْعَلْ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ. Donc nous nous dîmes entre nous, venez, et nous allons trouver une peine que nous appliquerons sur le noble et sur le faible. فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ. Nous nous sommes rassemblés, nous avons fait comme un consensus sur quoi? Sur tahmim, le fait de noircir le visage, ou al-jadd, le fait de frapper. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma inni awwal man ahya amrak idha matu. Faqala fa umira bihi farujim. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: oh Allah, je suis le premier qui a fait revivre ton ordre après qu'il l'ait fait mourir. Il prit le juif et on le lapida. Qala fa anzal Allah, et Allah a fait descendre ce verset-là. On voit dans ce, que la cause pour laquelle Allah a appelé les juifs el-kafiroun, les mécréants dans ce verset, c'est quoi? Le fait d'avoir, un, délaissé la peine prescrite d'Allah, ensuite de s'être rassemblé pour changer cette peine prescrite, et ensuite d'avoir, trois, appliqué une peine prescrite autre que celle qu'Allah a fait légiférer. C'est exactement ce qu'ils font les hukam à notre époque, exactement. Les trois, ils délaissent la loi d'Allah, ensuite ils se rassemblent pour légiférer en dehors d'Allah, et ensuite ils appliquent ces fausses législations en dehors d'Allah. Est-ce que la mécréance dans ce verset-là est une mécréance mineure? Est-ce que ces actes-là qu'on vient de citer, qui sont cités dans le code de révélation sur la mécréance mineure? Absolument pas. C'est de la mécréance majeure pour tous les musulmans. Et on voit, ils attribuent à Ibn Abbas comme quoi il aurait expliqué le kofr dans ce verset-là comme étant de la mécréance mineure. On ne va pas s'apesantir sur cette parole-là, parce qu'on sait que cette parole-là, au niveau de son isnad, au niveau de sa chaîne de transmission, est une parole daif. Ibn Abbas n'a pas dit cette parole-là. Il n'a pas dit kofr doun kofr. Ça a été affaibli parce qu'il y a dans le isnad quelqu'un qui s'appelle Hisham ibn Hujayr. Mais on va voir ce qu'Ibn Abbas nous dit, lui, avec un isnad sahih par rapport à ce verset. C'est ce que nous rapporte l'imam An-Nasa'i dans son Sunan. Le hadith numéro 4990. An Ibn Abbas. Il nous raconte, Ibn Abbas, il nous dit. كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل. Des rois après Isa ibn Maryam, après Jésus de fils de Marie, avaient changé la Torah et l'Injil. Les avaient falsifiés, les avaient changés. وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة. Et il y avait parmi eux des croyants, des restes de croyants qui étaient sur la religion de Isa, qui continuaient à lire la Torah. La Torah. فقيل لملوكهم ما نجد شتما اشد من شتم يشتمون هؤلاء. Des gens sont venus à leur roi et leur ont dit, cela nous insulte, ces croyants là ils nous insultent, et nous n'avons pas trouvé pire insulte que celle par laquelle ils nous insultent. انهم يقرؤون, car ils lisent, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. Ils lisent le verset, ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. C'est la preuve que ce verset là il était déjà présent dans la Torah, qu'il récitait ce verset-là après Isa, et qu'il considérait sur les rois et sur les gens qui avaient changé la Torah et l'Injil. وهؤلاء الآيات ما يعيبونا ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم فدعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. Ils les ont fait venir au roi. Il leur a dit, arrêtez de lire ce verset et lisez comme nous nous lisons, c'est-à-dire avec notre Torah falsifiée. Sinon, nous vous tuerons. Soit vous délaissez cette lecture de la Torah et de l'Injil, soit nous vous tuons. Ou vous lisez comme nous, c'est-à-dire comme nous avons falsifié. Ça, c'est Ibn Abbas qui nous rapporte ça. Ça veut dire que cette manière de faire-là, c'est-à-dire que les croyants et les mouahidines insultent les rois qui ne jugent pas par le livre d'Allah et la Sunna, en les traitant de mécréants en se basant sur ce verset, ça date pas de maintenant. Ça date pas de ce qu'ils appellent les takfiris à notre époque. Ça date des croyants à l'époque après Isa ibn Maryam et avant que vienne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça c'est rapporté dans le livre de hadith, As-Sunan al-Nasa'i, qui est un des 6 livres de hadith reconnus par l'ensemble des sunnites. Et il y en a bien sûr d'autres. Donc on voit qu'Ibn Abbas, c'est ça c'est une explication authentique de ce verset-là. Citons les paroles des savants sur cette question-là. Ibn Hazm al-Andalusi, qui est mort en 450 de l'Hégire, il nous dit dans son livre Al-Ihkam, fi usul al-Ihkam, le volume 5, la page 173, il dit: Man hakama bi hukm al-Injil, celui qui juge par le jugement de l'Injil, de l'Évangile. Ma lam bim mimma lam ya'ti bin nass alayhi wahyun fi shari'ati al-islam. Il juge par l'Évangile sans qu'il ait une preuve dans la charia de l'islam sur ce jugement-là. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Hazm, d'une telle personne? Rappelons que cette personne, il juge par une législation qui a été falsifiée, mais qui était à l'époque divine, sans se baser sur la charia. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Hazm? فَإِنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِكٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Il est certes un mécréant apostat qui est sorti de l'islam. Donc c'est clair pour Ibn Hazm qu'une telle personne qui juge, il ne nous parle pas de croyance, de rendre permis, de quoi que ce soit, mais celui qui juge par l'Injil. Que dire alors de celui qui juge par les législations forgées et les constitutions de notre époque? Celui qui juge par l'Injil, il est mécréant. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il nous dit dans Majmu' al-Fatawa, le volume 35, la page 373, il nous dit: وَمَا تَتَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Lorsque le savant laisse ce qu'il sait du livre d'Allah et de la sunna du messager, وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ أَلْمُخَالِفُ الْحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, et qu'il suit le jugement du juge ou du gouverneur qui s'oppose au jugement d'Allah et du messager, كَانَ مُرْتَدًا كَافِرًا يَسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il est un mécréant, il est un apostat mécréant qui mérite le châtiment dans ce monde et dans l'autre. Volume 35, page 373 de Majmu' al-Fatawa, sur le savant qui laisse ce qu'il sait du livre et de la sunna pour suivre le jugement du gouverneur. Que dire celui qui légifère, qui applique, qui combat celui qui refuse de suivre les fausses législations. Ibn Kathir nous explique, et c'est la partie, la citation la plus complète, dans le tafsir de Surat al-Ma'ida. De Surat al-Ma'ida, le numéro du verset, je ne l'ai plus, il dit: Sanu min Allah hukman li qawmi yuqinu. Est-ce le jugement de la jahiliya qui... Sanu min Allah hukman li qawmi yuqinu. Est-ce le jugement de la jahiliya qu'il cherche? Et quel meilleur jugement que celui d'Allah pour un peuple doué de certitude? Qu'est-ce qu'il nous dit, Ibn Kathir? Yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukm Allah al-muhkam. المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات. Allah reproche le Très-Haut à ceux qui sont sortis du jugement d'Allah, qui est clair et qui regroupe tout bien et qui interdit tout mal, et qui suit autre que cela parmi les opinions, les passions et les terminologies. التي وضعوها الرجال بلا مسندة من شريعة الله. Donc ceux qui ont suivi ces opinions, ces passions, qu'ont fabriqué les hommes sans se baser sur la charia d'Allah. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات. Comme le faisaient les gens de la jahiliya, qui jugeaient entre eux par les égarements et les ignorances. مما يضعونها برائهم وأهوائهم. Qu'ils fabriquaient par leurs opinions et par leurs passions. Donc il nous cite que ceux qui jugent par d'autres lois que celles d'Allah, il dit comme les gens de la jahiliya, il y a les gens avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se faisaient leurs propres lois, quoi que ce soit, comme à notre époque, la démocratie, le communisme, la laïcité, le capitalisme, etc. Wa kama yahkumu bihi tatar. Et il nous dit quoi aussi? Et comme les tatars qui jugent entre eux, min as-siyasat al-malakiyya, avec les politiques royales, al-ma'khudha an malikihim Genghis Khan, qu'ils ont pris de leur roi Genghis Khan. التي وضع لهم الياساق, qui leur a forgé le ياساق, un livre de loi qui s'appelle ياساق. Qu'est-ce que c'est le ياساق? Nous explique Ibn Kathir. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من عن شرائع شتى. Qu'est-ce que c'est le ياساق? C'est un livre qui rassemble des lois qu'il a pris de plusieurs législations. من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية, parmi les législations juives, chrétiennes et islamiques. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. Il y a beaucoup de lois qu'il a pris de sa simple opinion et de sa simple passion. فصارت في بني شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ce livre est devenu chez ses enfants, c'est-à-dire chez son peuple, les Tatars, les Mongols, une législation suivie qu'ils font passer avant le jugement par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils prétendaient être musulmans. Ces gens-là, ils prétendaient être musulmans, ils avaient témoigné de la ilaha illallah, et malgré eux, entre eux, ils jugeaient avec ce yasaq. Je dis bien entre eux, car quand les Mongols prenaient un pays, ils jugeaient eux, les Mongols, entre eux par le yasaq, et ils laissaient les musulmans juger entre eux par la sharia. Ils n'enlevaient pas les juges. C'est très important. Il l'a cité Ibn Kathir dans le Bidaya al-Nihaya. Malgré cela, qu'est-ce qu'il nous dit, Ibn Kathir? Malgré cela, il nous dit quoi? وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُ. Celui qui fait cela, il est un mécréant, qu'il est obligatoire de combattre, حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, jusqu'à ce qu'il revienne au jugement d'Allah et de son messager. فَلَا حُكْمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ. Et il ne juge qu'avec cela, dans les petites et les grandes choses. C'est dans son tafsir, le volume 2, la page 314 de la version arabe. On voit bien que les savants, et on a cité Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, parmi les savants sunnites importants, qui considèrent que cet acte-là, le fait de juger entre eux ou de délaisser le jugement d'Allah, est de la mécréance majeure. Et à chaque fois, ils nous citent Kafir Mushrik pour Ibn Hazm, Kafir Murtad pour Ibn Taymiyyah, Kafirun Yajibu Qitalu, un mécréant qu'il est obligatoire de combattre, si on en a la capacité, bien sûr, pour Ibn Kathir. Pour finir, pour l'ambiguïté de Kufr de nos Kufr, on citera la parole d'un savant contemporain, qui est l'ancien mufti de l'Arabie, qui s'appelait Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ibn Abd al-Latif al-Sheikh, qui s'appelait Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ibn Abd al-Latif al-Sheikh, qui nous dit, dans ses fatawas, le volume 12 de la page 289, « Amma alladhi qila fi kufr dun kufr » Le cas où il a été dit kufr dun kufr, c'est de la mécréance mineure. Il dit séquence, ce cas-là. « Iza haakama ila ghayrillah » Il dit, celui dont on dit que c'est de la mécréance mineure, c'est s'il juge, il prend pour juge un autre qu'Allah, en ayant la croyance qu'il est pécheur, et que le jugement d'Allah est la vérité. Il dit ça, c'est quand? C'est celui qui le fait une fois, ou comme cela. Il dit, أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع. Quant à celui qui fait des lois forgées, ordonnées, et auxquelles il soumet les gens, فَهُوَ كَافِرْ وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا وَحُكْمُ شَرْعِ عَدَلْ. Celui-là, c'est de la mécréance. Même s'il dit, nous avons fait une erreur, et le jugement d'Allah est plus juste. فَفَرْقُ بَيْنَ الْمُقَرَّرُ وَالْمُثْبِتُ وَالْمَرْجِعُ جَعَلُوهُ هُوَ الْمَرْجِعُ فَهَذَا كُفْرٌ نَقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ. Il y a une différence entre ce qui est établi, c'est-à-dire la loi forgée qui est établie, et à laquelle ils en ont fait quelque chose auquel on retourne dans le jugement, c'est-à-dire le juge, il n'a pas le choix, il doit revenir à la loi forgée. C'est pas un juge qui juge tout le temps par le livre d'Allah et la sunna, et qui dans un cas suit sa passion et délaisse le jugement d'Allah. Dans ce cas-là, certains savants ont dit ça, c'est du kufr dun kufr, de la mécréance mineure. Mais dans ce cas-là, ils se basent exclusivement sur des lois forgées, ils en ont fait une base. Et le Cheikh Mohammed nous dit, cela est de la mécréance qui sort de la religion. Voilà, cela pour finir sur cette question-là, qui sont liées à la législation, tashri', au jugement, al-hukum, et à la demande de jugement, al-tahakum. Et on voit que toutes ces choses-là sont de la mécréance majeure, et ne soyez pas trompés par les savants du mal, et par les G.A. de ce temps, qui considèrent la foi et la mécréance comme étant seulement dans le cœur, et n'ayant aucun lien avec les paroles et les actes. Le Cheikh nous dit ensuite, la quatrième tête des Tawarit, qui a été citée par le Cheikh Mohammed Abdouhab, il nous dit Rabi' alladhi yad'i 'ilm al-ghayb min dunillah. Le quatrième, celui qui prétend connaître l'invisible en dehors d'Allah. Wa dalil qawluhu ta'ala, et la preuve est la parole du Très-Haut dans Sourate al-Jinn, versets 26 et 27. 'Alimul ghayb fala yudhhiru 'ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager, qu'il fait précéder et suivre de gardien vigilant. Et il dit, le Très-Haut, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Et il a les clés de l'invisible, nul ne les connaît sauf lui. Donc celui qui prétend avoir cette caractéristique, qui est une des caractéristiques d'Allah seul, de connaître l'invisible, c'est-à-dire de connaître l'avenir, il est certes un tarout qui est adoré en dehors d'Allah. À ce propos, le Cheikh Hafez al-Hakami, dans son livre Ma'arij al-Qabul, qui est un livre de référence dans le Tawhid, au volume 2, la page 567, il nous dit en poème « وَمَنْ يُصَدِّقْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرْ بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ الْمُعْتَبَرْ » Et celui qui rend véridique un devin a certes mécru en ce à quoi est venu le messager. Les détails de cette question qui sont liés aux devins, comment ils peuvent dire certaines vérités au milieu de nombreux mensonges, je vous renvoie au livre du Tawhid de Cheikh Mohammed Abd al-Wahhab, dans le chapitre Bab Maja Afil Kuhan, chapitre de ce qu'il est, il a été dit sur les devins, avec l'explication Fath al-Majid. Les devins, sans aucun doute, se sont appropriés une des caractéristiques d'Allah, qui est le fait de connaître l'invisible. Et ils ont fait alliance avec les djinns, en général par le shirk, et par des actes abominables pour avoir une partie de cette science. Donc ceux qui prétendent connaître l'invisible, parmi les devins, les astrologues, etc., sont des koufars, sans aucun doute. Quant à celui qui va les voir, qui lit les horoscopes, qui va voir les devins, nous allons détailler. Le cheikh Ali Al-Khoder a dit, Fakallahu Asra, dans son explication de l'Usul Al-Thalatha, mais aussi dans son explication de Kitab Al-Tawhid, l'explication de l'Usul Al-Thalatha, c'est à la page 74, dans l'explication de Kitab Al-Tawhid, c'est à la page 168, il dit, Hukm mudda'il ghaib dhatihi kafir. Celui qui prétend connaître l'invisible, celui-là est un kafir. Quant à celui qui va les voir, qui va voir les devins ou les astrologues, il y a un développement. Le premier cas, Alif. فَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ مُصَدِّقٌ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ سَوَاءَ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ أَوْ الْغَيْبَ النِّسْبِي فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَرَ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَعْلَمُ الْغَيْبَ غَيْرَ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Le premier, c'est une personne qui va voir les devins ou les astrologues, tout en rendant véridique ce qu'ils disent. Et ils pensent qu'ils connaissent l'invisible, que ce soit l'invisible en général, ils connaissent tout l'invisible, tout l'avenir, ou une partie de l'avenir. Celui-là est un mécréant, d'une mécréance majeure, car il a cru qu'il y avait d'autres qu'Allah qui connaissent l'invisible. Et il a cité les versets précédents, et un verset qui dit « قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ » dit « Personne ne sait dans les cieux et sur la terre l'inconnu sauf Allah. » Bah, وَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ وَيُكْرَهُ فِعْلَهُمْ وَيَعْلَمَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَكِنْ ذَهَبَ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً دُنْيَوِيَّةً وَيَسْأَلُهُمْ عِلَاجًا شَعْبِيًّا فَهَذَا ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Celui qui va les voir tout en détestant leur acte et en sachant qu'ils ne connaissent pas l'invisible, mais il va pour leur demander une question parmi les biens de ce monde ou un remède traditionnel, populaire, traditionnel dans le sens de la médecine. Voilà. S'il va cela, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ali? Il a fait un grand péché, parmi les grands péchés. Et sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Comme il est venu dans le hadith de Hafsa, dans Sahih Muslim, le hadith numéro 2230, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ata arrafan fas'alahu an shay, lan tuqbal salatuhu, lan tuqbal lahu salat, 40 yawman. Celui qui va voir un arraf, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme un kahin qui prétend connaître l'avenir, et qui lui demande quelque chose, sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et il a yujar ala salat 40 yawman fa yusalli bidun ajr wa laysa ma'na dhalika an yatruka as-salat bal yajib alayhi yusalli lakin la yujar li'annaha sayyi'ata dhahabat bi ajr 40 yawman. Il dit ce hadith signifie qu'il n'aura pas la récompense de ses salats pendant 40 jours. Il faut qu'il prie, mais il prie sans récompense. Pourquoi? Car ce péché-là a fait partir les récompenses, a annulé les récompenses de 40 jours. C'est ça la signification de ce hadith. Le troisième cas dit « يَكْرَ فِعْلَهُمْ وَيَعْتَقِدْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ لَكِنْ ذَهَبَ لِلْفُرْجَةِ وَالنُّزْهَةِ مِنْ بَابَ الْاِسْتِطْلَعِ فَهَذَا مِنْ كَبَارِ الذُّنُوبِ. » Le cas où ils détestent leur acte et ils savent qu'ils ne connaissent pas l'invisible, mais il va par amusement pour se détendre, juste pour voir. Cela est un grand péché aussi. La tuqbal lahu salat 40 yawman. Et sa salat ne sera pas acceptée aussi 40 jours. Il dit, et il donne l'exemple, mithlu mushahadatu bit television. Comme celui qui les regarde à la télé, les devins, les sorciers. Kulli. La juzu mithluhu al'ab al-sirk. Il dit pareil que cela, le fait de regarder le cirque. C'est-à-dire, les gens qui font de la magie au cirque. Ces gens-là, c'est la personne qui fait ça, il a commis un grand péché. Sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. ومثله ما يحضر عند الصحراء لكي يتفرج على ألعابهم البهلوانية وما يقومون به من أشياء مضحكة ولافتة للنظر. Il dit pareil que celui, c'est-à-dire que celui-ci, il a commis un grand péché. Sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Celui qui va voir les sorciers pour voir leur tour, il va voir les tours de sorciers, ce qu'on appelle les prestidigitateurs, pour montrer aux gens que ces gens-là, c'est pas des sorciers, hein, c'est changer le nom sans changer la réalité. Cette personne-là, il a commis un grand péché, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Donc je mets en garde les gens, même à regarder les livres les films de sorcellerie, comme Harry Potter par exemple, ça rentre dans cette chose-là. C'est de la sorcellerie, ça embellit la sorcellerie et la mécréance aux gens. Il y a en plus de la mécréance claire dans ces films-là. Celui qui les Regarde, à au moins commis un grand péché et sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Le cinquième tête des taghouts, al-khamis, alladhi yu'badu min dunillah, wa huwa rad bil-ibadah. La cinquième tête des taghouts, celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui accepte cette adoration. Finalement, tous les points que nous avons précédés, ils rentrent dans ce cinquième-là. C'est-à-dire, il adore l'adoration. Mais là, dans ce cas-là, il accepte l'adoration. C'est général, ça veut dire que celui qui incite les gens à l'invoquer en dehors d'Allah, comme le font certains chers soufis qui disent après ma mort, venez à ma tombe et je répondrai à vos invocations, comme c'est arrivé, ou ceux qui acceptent qu'on sacrifie pour eux en dehors d'Allah, comme certains gouverneurs devant lesquels on sacrifie des bêtes, comme ça se fait dans certains pays arabes, etc. Tous ces gens-là, ce sont des tawarites qui font partie des têtes de la mécréance et auxquels il est obligatoire de mécroire. Et il a cité comme preuve, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ. Et celui qui dit, je suis un ilah en dehors d'Allah, je suis un adoré, adorez-moi en dehors d'Allah. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ. À celui-là, nous réservons l'enfer. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. C'est comme ça que nous récompensons les injustes. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il conclut sa risala en disant, وَعْلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ مَا يَصِلُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ. Sache que l'homme ne sera pas croyant à Allah jusqu'à ce qu'il ait mécru au Tawhid. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve est la parole du Très-Haut. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Celui qui mécroit au Tawhid et croit en Allah, il a certes saisi l'anse la plus solide, qui ne se rompt pas. Et Allah est celui qui entend, et celui qui entend est le savant. Ibn Kathir a dit à propos de ce verset, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إنه السميع العليم. قال ابن كثير أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عباد كل ما يعبد من دون الله. Celui qui délaisse les semblables et les idoles et tous ceux auxquels Shaitan appelle comme adoration en dehors d'Allah, ووحد الله فعبده وحده, a unifié Allah, il a adoré seul, wa shahida an la ilaha illa hu, et a témoigné que nul n'est digne d'être adoré que lui, faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, il a saisi l'anse la plus solide, ay faqad thabata fi amrihi wa istaqama ala tariqati al muthla wa sirat al mustaqim. Il a été établi sur son état, il a été droit sur le chemin et sur la voie droite. Et il a cité selon le Barawi que Omar a dit à propos du tarot, innahu shaytan. Il a dit le tarout et le shaitan. Innahu qawlun qawiyun jidda. Innahu shaitanu qawiyun jiddan. Le fait que Omar ait dit à propos du tarout, lorsqu'on lui a dit c'est quoi le tarout, il a dit c'est le shaitan. Il dit cela est très fort. Pourquoi? Fa innahu yashmal kullu shar kana alayhi ahlul jahiliya min ibadati al-awthan wa at-tahakkum ilayha wa al-istimsar biha. Il dit car le fait de dire le tarout c'est le diable, c'est vrai, ça implique tout le mal sur lequel étaient les gens de la Jahiliya. L'adoration des idoles et le fait de prendre le jugement d'un autre qu'Allah. Donc Ibn Kathir, il a montré que le mal des gens de la Jahiliya, il est de deux sortes. Adorer les idoles et prendre le jugement d'un autre qu'Allah. Exactement comme à notre époque. Et c'est tout cela vient d'une seule cause, le shaitan. Donc c'est lui le vrai tarout. Il nous reste deux questions à étudier à travers la parole d'Allah. En ce qui concerne le Tarout, la première, nous avons intitulé Hukum Ansar al-Tarout, le jugement des partisans du Tarout. Allah dit dans Surat An-Nisa, le verset 76, Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah, wallazina kafaru yuqatiluna fi sabil al-Tarout, faqatilu awliya al-Shaytan, inna kayda al-Shaytan kana da'ifa. Ceux qui croient combattent dans le sentier d'Allah. Et ceux qui mécroient combattent dans le sentier du Tarout. Ce verset est clair comme quoi ceux qui combattent dans le sentier du Tarout font partie de ceux qui mécroient. La dîne et kafar. Ils ne font pas partie de ceux qui ont cru. Allah, Azza wa Jal. Le verset est clair et il n'a pas besoin d'être expliqué plus que cela. La cause de la mécréance ici, c'est le fait de combattre dans le sentier du Tarout. Allah dit, Subhana, dans le verset, dans Surat al-Baqarah, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. Et ceux qui mécruent, leur allié est le tarout. Ou leurs alliés sont les tawarites. Donc ce verset montre clairement aussi que celui qui prend pour allié le tarout fait partie de ceux qui mécroient. Le verset 51 de Surat An-Nisa, on va l'étudier plus en profondeur. Allah nous dit: Alam tara ila alladhina utu nasiba min al-kitab yu'minuna bil-jibti wat-taghut wa yaquluna lil-ladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila. N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? Ajouter foi à la magie, le djipt, et au tarout, et dire en faveur de ceux qui ont mécru, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Donc dans ce verset, on voit des gens à qui il a été donné une partie du livre, mais qui continuent et qui croient au djipt et au tarout, et qui disent aux koufars, vous êtes mieux guidés que les musulmans. Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir à propos de ce verset: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قال ابن أبي حاتم عفوا حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشيطان. Ibn Kathir rapporte d'un savant ancien qui s'appelle Ibn Abi Hatim, qui rapporte de son père Abu Hatim al-Razi, avec l'isnad, selon Jabir ibn Abdillah, le compagnon, qu'il a été questionné à propos des tawarit. Qui sont-ils? Il a répondu: ce sont des devins sur lesquels descendaient les démons. Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas, a dit: At-tawarit, al-shaytanu fi surati insan, yatahakamuna ilayh, wa huwa sahibu amrihim. Mujahid a dit: le tawarit est un diable, un démon, sous la forme d'un homme, duquel il revenait dans le auquel il revenait dans le jugement, auquel qu'ils prennent pour juge, et il est celui qui les commande, qui les conseille. Donc les tawarit à l'époque de la Jahiliya étaient des devins auxquels les gens venaient faire ce qu'ils font aujourd'hui aux tribunaux, c'est-à-dire porter leur désaccord pour qu'ils tranchent entre eux. Voilà les tawarit. قال الإمام مالك الإمام مالك أدي الطاغوت وكل ما يعبد من دون الله عز وجل الإمام مالك أدي الطاغوت c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans ce verset là Allah nous dit: يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Ils disent aux gens qui ont cru, aux mécréants, ceux qui ont mécru, ceux-là sont plus guidés que ceux qui ont cru. أي ابن كثير دي أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بين أيديهم. Ils préfèrent les kuffars aux musulmans à cause de leur ignorance, de leur peu de religion et de leur mécréance envers le livre d'Allah qu'ils pourtant ils avaient reçu. Il nous parle de qui ce verset, il nous explique Ibn Hatim aussi, et c'est Ibn Kathir dans son tafsir qui le cite, selon Ikrimah, قال: جاء أُيَيْ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة. Deux têtes parmi les têtes des juifs, qui sont Huyay ibn Akhtab et Ka'b ibn Ashraf, qui sont les ennemis du prophète, sont venus aux gens de la Mecque, aux mushrikin. Rappelons qu'eux étaient juifs. Ils sont venus voir des adorateurs d'idoles. Les gens de la Mecque leur dirent: فَقَالُوا لَهُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ كِتَابُ وَأَهْلِ عِلْمِ. Vous êtes des gens de livres et des gens de science. Ça prouve que quoi? Que les mushrikin, les adorateurs d'idoles, ils considéraient les juifs comme des gens de livres et de science, qui avaient un livre, qui avaient reçu une science. فأخبرونا عنا وعن محمد. Alors informez-nous de nous et de Mohammed. Quel est le mieux? Il demande à des juifs, qui sont encore une fois des gens de livres et de science. Qui sont les mieux? Mohammed ou eux, les mushrikines, adorateurs d'idoles qui mangent la charogne? فقالوا ما أنتم وما محمد. Ces deux juifs leur dirent: qui êtes-vous et qui est Mohammed? فقالوا نحن نصل الأرحام. Les Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous maintenons le lien de parenté. وننحر الكوماء. Et nous sacrifions la chamelle pour nous avons l'hospitalité. Et nous donnons à boire de l'eau mélangée à du lait aux pèlerins qui viennent. Et nous libérons les prisonniers. Et nous donnons à boire aux pèlerins. فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْهُ. Il dit, quant à Mohammed, il est un sambour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a coupé les liens de parenté, c'est-à-dire il a divisé notre société par son tawhid là. Et les gens qui l'ont suivi sont ceux qui volaient les pèlerins parmi la tribu de Ghafar. Il parle de la tribu de Ghafar, qui était la tribu d'Abu Dhar, qui était effectivement une tribu qui était connue pour être des bandits de grand chemin, et qui sont par Abu Dhar rentrés dans l'islam et ont connu le tawhid et ont été guidés. Ensuite, après cette présentation de eux, de leur mérite et de Mohammed, ils lui dirent, qui sont les meilleurs, nous ou bien Mohammed? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les juifs? Ils savaient très bien que Mohammed était venu avec le tawhid, les juifs. Et ils ont témoigné, Huyay ibn Akhtab, sa nièce qui est rentrée dans l'islam, ou sa fille, je ne me souviens plus, elle a témoigné qu'un jour, les juifs parlaient de Mohammed, et que l'un d'entre eux lui a demandé, est-ce qu'il est vraiment prophète? Et qu'il lui a répondu, oui, il est prophète. Mais on ne le suit pas, parce qu'il fait partie des Arabes. Et plusieurs fois, ils ont venu au prophète, les juifs, en lui disant, nous savons que tu es le messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas dit, ah ben alors vous êtes musulmans, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنِ اتِّبَاعِ. Qu'est-ce qui vous empêche de me suivre? C'est-à-dire, si vous témoignez que je suis prophète, ça ne suffit pas. Il faut que vous me suiviez aussi, que vous suiviez ma législation. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, ces juifs-là? Ils ont dit aux mouchriquines, aux adorateurs d'idoles, encore une fois, qui mangent la charogne, tout cela c'est interdit dans la Torah. أَنْتُمْ خَيْرٌ وَأَهْدَى سَبِيلًا. Vous êtes mieux que Mohammed, et vous êtes plus guidé que lui. Et Allah, il a fait descendre ce verset. N'as-tu pas, ce qui signifie, n'as-tu pas vu ce qui, à qui il a été donné une partie du livre, croire au Égypte et au Tarout, à la sorcellerie et au Tarout, et qui disent aux mécréants, vous êtes plus guidés que les croyants, vous êtes plus guidés que les musulmans. Exactement comme ceux à notre époque qui voient les tawarites changer la législation d'Allah, combattre la religion, semer la corruption sur la terre, la riba, la zina, quoi que ce soit, et qui leur disent, parmi les savants qui ont reçu une partie du livre, mais vous êtes mieux que ces takfiriyins-là qui veulent l'application de la sharia, qui rendent mécréants les gens, qui refusent de prier dehors ou de manger leurs sacrifices, ou etc., etc. Et cela, il nous dit Ibn Kathir, وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ. Et cela a été rapporté de Ibn Abbas et d'un groupe de salaf. Donc la cause de la révélation de ce livre, c'est sur des gens comme ça. Ça nous montre que les partisans du Tarout combattent dans le sentier du Tarout, le premier verset. Le deuxième verset qu'ils prennent pour allier le Tarout. Ou le troisième verset qu'ils vont voir le Tarout, qu'ils vont voir les mouchilkines et qu'ils les préfèrent, ces mouchilkines et ces tawarites, aux croyants et aux musulmans. C'est ce qu'on trouve chez les partisans du Tarout à notre époque. Et pour continuer sur ce verset-là, on voit que ces gens à qui il était donné une partie du livre disent aux mécréants, vous êtes mieux guidés que Mohammed. C'est ce qu'ont appelé certains ulama, izhar al-muafaqa, le fait de montrer aux mouchikins qu'on est en accord avec eux, qu'on suit leur religion. Parce que c'est permis. Le Sheikh Suleyman ibn Abdillah a dit dans son livre Ad-Dala'il, qui est dans Majmu'at al-Tawhid à la page 229, et dans Durar al-Saniya dans le volume 8, la page 121, il nous dit, « I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم. Que l'homme, s'il fait apparaître l'accord dans la religion aux mouchriquins, qu'il est en accord avec eux dans la religion, خوفا منهم, pas peur d'eux, أو مدارة لهم, أو مداهنة لدفع شرهم, ou pour se préserver de leur mal. فإنه كافر مثلهم, il devient mécréant comme eux. وإن كان يكره دينهم ويبغضهم, même s'il déteste leur religion et qu'il les déteste, ويحب الإسلام والمسلمين, et qu'il aime l'islam et les musulmans. وهذا إذا لم يقع منه إلا ذلك, cela, juste s'il arrive cela, c'est-à-dire qu'il ne fait pas plus que cela, nous dit, فكيف إذا كان في دار منع واستدعى بهم, que dire alors s'il est dans une terre où il peut se protéger, mais qu'il appelle les kuffar à lui, ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل, et qu'il rentre dans leur obéissance, c'est-à-dire qu'il rentre dans l'obéissance des mécréants, et qu'il accepte leur autorité, et qu'il montre de l'accord, de l'acceptation de leur religion, وعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم, et qu'il les aide par l'argent, et qu'il les prend pour alliés, وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين, et qu'il coupe l'alliance qu'il a avec les musulmans, وصار من جنود القباب والشرك وأهلها, et devient parmi les soldats des coupoles du shirk et de ces gens. Pourquoi? Parce que l'imam Suleyman, il parle de gens qui ont fait l'alliance avec les adorateurs de tombes contre l'État islamique dans le Nejd, et qui ont fait l'alliance avec les armées ottomanes lorsqu'elles sont venues pour détruire la da'wa du Tawhid et l'État qu'avait établi le Cheikh Mohammed Abdou Wahab, même s'il était mort à cette époque-là, et que gouvernaient ses petits-enfants. Quand les Bédouins autour du Nejd ont fait alliance avec les armées égyptiennes qui avaient été envoyées par l'État ottoman, voilà ce que le Cheikh Suleyman a fait. Il a fait un takfir général de tous ceux qui prennent l'aide de ces adorateurs de tombes et qui leur montre même l'accord, par peur. بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله qui devient parmi les armées des coupoles et du shirk après qu'il ait été des armées du tawhid et du culte pur. C'est-à-dire c'est des gens qui à la base étaient des sujets de l'État islamique et qui sont allés vers les kuffar. Il dit فإن هذا لا شك مسلم أنه كافر. Cela, il n'y a pas de musulman. Un musulman ne doute pas que celui qui fait ça est un kafir. Min ashadda an-nas 'adawatan lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gens qui ont le plus d'inimité envers Allah et son messager. Wa la yustathna min dhalik illa al-mukrah. Et il n'y a pas de comment ça s'appelle. Nul n'est excepté à part celui qui est sous la contrainte. Il dit wa huwa alladhi, c'est qui? Wa huwa alladhi istawla 'alayhi al-mushrikin fa yaqulun lahu ukfur wa yaf'al kadha aw la fa'alna bika wa qatalnak. C'est celui qui a été vaincu par les mouchriquines, qui est tombé dans les mains des mouchriquines, et à qui on a dit, mais crois, ou fais cela, si tu ne fais pas cela, on va te tuer. Ou qui le prennent et qui le torturent jusqu'à ce qu'il soit en accord avec eux. Celui-là, il lui est permis de rentrer en accord avec la religion des mouchriquines par la langue, tant que son cœur est plein de la sérénité de la foi. Il dit ensuite, وقد أجمع العلماء على من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر. Les ulama sont unanimes pour dire que celui qui prononce la mécréance en plaisantant devient mécréant. فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا. Que dire de celui qui fait apparaître la mécréance par peur ou par amour de la dunya. وأذكر بعض الأدلة. Et ensuite il a cité dans cet épître court qui a été traduit en français 21, si je me souviens bien, 21 dalil de la mécréance de celui qui prend les mécréants, de la mécréance du musulman qui prend les mécréants comme alliés contre les musulmans. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Latif al-Sheikh, le Cheikh Mohammed Abdel Latif al-Sheikh parmi les savants du Nejd, les petits-petits-enfants de Cheikh Mohammed al-Wahhab, a dit dans Dorar Sani le volume 8, la page 456 de la 5e édition, la dernière, il nous explique cette question-là. Il nous dit par rapport à celui qui est, je montre ces choses-là, pourquoi? Parce que beaucoup d'Ansar Tawarit, des gens qui rentrent dans les armées du Tawhid, se prétendent sous la contrainte, à cause du service militaire obligatoire, ou à cause du fait que si on laisse ces emplois par lesquels on secourt le Tawhid, on ne va pas avoir à manger, on va mourir de faim, etc. etc. Qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Latif, al-Sheikh, ça veut dire de la famille du Cheikh Mohammed al-Wahhab, il dit من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوا معهم كرها. Il nous donne la première chose. Il dit une personne qui n'a pu sortir d'au milieu des mouchriquins. C'est-à-dire il est au milieu des mouchriquins. Et il n'a pu se défaire de cela. Et ils l'ont pris sous la contrainte et il leur fait sortir dans leur armée. Comme c'est arrivé à Badr, à l'Abbas. فحكمه, son jugement c'est quoi? فحكمه, حكمهم في القتل وأخذ المال. Là, fait le kufr. Son jugement, c'est leur jugement dans le fait qu'il est combattu et qu'on lui prend son argent. C'est-à-dire, s'il est trouvé dans la bataille, il a le même jugement que les kuffars. Au niveau de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire, il est combattu, on lui prend son argent. Mais on ne dit pas qu'il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il est sous la contrainte. Mais en apparence, on le juge selon son apparence. Il dit أَمَّا إِنْ خَرَجَ مَعَهُمْ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ طَوَعًا وَاخْتِيَارًا. Mais celui qui sort pour combattre les musulmans volontairement et de son plein gré, وَعَانَهُمْ بِبَدَنِهِ وَمَالِهِ, et qui les aide par son corps et par son argent, فَلَا شَكَّ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُهُمْ فِي الْكُفْرِ. Il n'y a pas de doute que son jugement est leur jugement dans la mécréance. Pas de doute. Ça c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdel Latif. Et on voit aujourd'hui que les savants du mal, des différentes sectes, que ce soit les frères musulmans, ce qu'ils nous appellent l'islam de France, qui est aussi l'islam d'Amérique, qui est aussi l'islam de tous les pays, les pseudos, quoi que ce soit, autorisent aujourd'hui quasiment de rentrer dans l'armée des koufars pour combattre les musulmans, pour ne pas combattre les musulmans. On voit clairement que ces chouyours, qui eux sont des vrais chouyours de la sunna, considèrent que cette chose-là, il n'y a pas de doute que c'est de la mécréance. Le cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi nous dit dans un de ses livres, c'est une réponse à des fatwas qui lui a été posée lorsqu'il était dans la prison de Souaqa, et il l'a donc appelé Al-Ishraqa. Ce livre-là, il s'appelle donc Al-Ishraqa. À la page 45, il nous dit La cause de notre takfir des armées, des gouvernements, quelle est-elle? فليس هي كما يردد بعض المتسرعين الذين لم يعرفوا كلامنا ولا قرأوا كتاباتنا مجرد العمل تحت مظلة النظام. Il dit, contrairement à ce que croient les gens qui se précipitent et qui ne connaissent pas ce que nous disons et qui ne lisent pas nos livres, nous ne disons pas que nous rendons mécréants les armées des gouvernements juste parce qu'ils travaillent à l'ombre du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour le gouvernement, ça ne suffit pas. Le fait de travailler pour un gouvernement, ça ne suffit pas comme cause du takfir. Il dit, car ça rentre pour toute personne qui est fonctionnaire ou qui travaille pour n'importe quel gouvernement. Mais il se peut même que toute personne qui habite dans le pays rentre dans cette... parce qu'il faut forcément qu'il ait un lien avec le gouvernement pour les papiers, pour le... Donc c'est pas ça la cause du takfir. Il dit c'est quoi? وإنما العلة المؤثرة المنضبطة عندنا في تكفير أنصار النظام هي العلة التي نص الله تعالى عليها في كتابه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Il dit la cause et de la mécréance qui est établie pour nous sur le takfir des gens qui secourent cet état ou ce gouvernement, c'est la cause qu'Allah a clairement et textuellement citée dans son livre. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Celui qui les prend pour alliés parmi vous, il est l'un des leurs. Le fait de prendre pour alliés. التَوَلِّي وَالنُّصْرَ, ce qui est cité dans ce verset, يَتَوَلَّهُمْ, c'est ce qu'on appelle التَوَلِّي et النُّصْرَ, c'est-à-dire l'alliance et le secours porté, أو القتال في سبيل الطاغوت. Le fait de combattre dans le sentier du Tawhid. C'est ça la cause de la mécréance. كما قال تعالى الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. Il dit, ceux qui mécruent combattent dans le sentier du Tawhid. Il dit, فأي عمل في هذه الحكومة وجدت فيه هذه العلة فهو عندنا عمل مكفر. Il dit, tout acte, tout travail dans ces gouvernements qui rentre dans ces conditions, dans cette cause-là, c'est-à-dire porter secours au Tawhid dans sa mécréance, ou combattre dans le statut de Tarot, c'est pour nous un emploi de mécréance. ولذلك فنحن لا نجزم لا نحرم ولا نكفر جميع وظائف الحكومات الكافرة بل لنا في ذلك تفصيل معروف بحسب كل وظيفة وحقيقتها. Pour cela, nous n'interdisons pas et nous ne rendons pas mécréant toute personne qui travaille pour le gouvernement mécréant. Mais nous avons un développement sur cela qui est connu. Et c'est en fonction de chaque emploi et de sa réalité que nous jugeons de cette chose-là. Il dit, وَكَذَلِكَ عَنْدَنَا تَفْصِيلٌ فِي جُيُوشِ الطَّوَاغِيتُ وَشُرْتَتِهِمْ. Il dit, et de même, nous avons un tafsil, un développement, ce qui concerne les armées des tawarites et leur police. فَلْنَسْتَثْنِي الْمُكْرَهَ مِنْهُمْ إِكْرَاهًا حَقِقِيًّا. Nous faisons exception pour celui qui est sous une contrainte véritable. وكذلك المتأول الذي أسلم واهتدى وهو في هذه الجيوش وبقي فيها لنصرة الدين. Et aussi, nous excusons, considérons que c'est la mécréance, nous excusons par le ta'wil, la fausse interprétation, une personne qui rentre dans l'islam, qui est guidée, alors qu'il est dans ces armées-là, ça arrive, et qui pense qu'il peut rester dans ces armées-là pour secourir la religion. C'est arrivé à de nombreuses reprises. Comme le voient certains groupes qui pratiquent le djihad. Il dit, plus loin, ونقول أن الأصل عندنا في جيوش الطواغيت الكفر ولا نؤصل مثل هذا التأصيل في سائر الوظائف والأعمال. Mais nous disons, la base sur nous, pour nous, dans les armées des tawarites, c'est la mécréance. Nous disons, la base chez eux, c'est la mécréance. Et nous n'appliquons pas cette base sur les autres emplois gouvernementaux et les autres fonctions gouvernementales. لأن وذلك لأن الجيش يتميز عن سائر الأعمال بأن حقيقته التولي والنصرة والقتال في سبيل الطاغوت. Et cela pourquoi? Car l'armée, contrairement aux autres emplois, sa réalité c'est le fait de porter alliance, de porter secours et de combattre dans le sentier du Tawhid. C'est ça là, le jugement et le rôle de l'armée. ولذلك فهم يأمنه يؤمنوه على عوراتهم ويسلمون ويسلموه سلاحهم ويسلطوه على أعدائهم. Il dit, أما سائر الأعمال والوظائف تتنوع وتتفاوت في النصرة والتولي فيدور فيها الكفر وجودا وعدما مع هذه العلة. Il dit, en ce qui concerne les autres emplois, elles sont différentes, il y a beaucoup de divisions, mais en fonction de ces deux causes, c'est-à-dire le fait de porter secours, d'avoir une alliance on dit qu'elles sont de la mécréance ou qu'elles n'en sont pas. C'est en fonction de cela. فهي علة وإن كانت ظاهرة مشهورة في الجيش إلا أنها قد توجد في غيره. Cette cause de mécréance, elle est présente dans l'armée et elle peut être présente dans d'autres emplois. Il dit quoi? فتتعلق بالشخص دون أن تكون حقيقة وظيفته كذلك. Cela se rapporte à la personne à lui-même, sans que son emploi soit en réalité un emploi de mécréance quoi que ce soit. فقد يكون إمام للمسجد متوليا النصيرة. Il dit par exemple, ça se peut que la personne elle soit imam dans une mosquée. Et avec cela, il donne alliance au Tarout et lui porte secours. Et il peut être encore plus attaché à ce Tarout que certains militaires ou que certains soldats. Celui qui est comme cela, il fait partie de ses armées et de ses secoureurs. والجبه واللحيه والمسبحه ليست ممانع التكفير. Et il dit, et le fait qu'il porte un long manteau, c'est-à-dire une longue jellaba comme ils portent dans certains pays là, les imams des manteaux spéciaux comme en Égypte ou en Jordanie, واللحيه et la barbe, والمسبحه et le chapelet ne sont pas chez nous des empêchements du takfir. Ces choses-là n'empêcheront pas son takfir s'il est clairement parmi les partisans du tawhid. Et il dit والخلاصه عندنا. Nous disons pour résumer en ce qui concerne les partisans du Tawhid. An al-asl fi jush at-tawaghit al-kufr. Il dit la base donc dans les armes des Tawaghit est la mécréance. Illa annana nuqsimu a'yanahum ala ila ta'ifatayn. Et nous disons que les militaires dans ces pays-là sont de deux sortes. Al-ula man kana fi hadha al-jaysh nasiran lahum aw li-sharki aw li-shirkihim fi'la. فحكمه حكمهم في الكفر في أحكام الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. Ceux qui sont dans cette armée, qui portent secours à ces lois de mécréance et à ce shirk, leur jugement est leur jugement dans la mécréance, que ce soit dans le dunya ou dans l'akhira, s'il meurt dans cela. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a dit le Cheikh Mohammed bin Abdel Latif précédemment. C'est-à-dire qu'il est dans ces armées-là, il combat dans le sentier du Tarout volontairement. Celui-là, on le considère comme un mécréant. Et on dit, il est mécréant dans ce monde pour nous, et dans l'akhira, il sera parmi les gens de l'enfer, puisqu'il a fait apparaître la mécréance. Al-thaniya, man kana muksiran li sawadihim, lakinahu la yansuruhum ala shirkihim, wa la yu'inuhum ala al-muahidin. Fa hukmu, hada hukmuhum fi ahkam al-dunya. Fa yu'amal bima azhara min kawnihim, min jundihim, wa ansarihim, wa hizbihim, fi saffihim, wa fi udwatihim. Il dit, deuxième, celui qui est de leur nombre, il est dans l'armée, et il grossit leur nombre, littéralement. Mais il ne leur porte pas secours dans la shirk. Et il n'est pas l'armée contre les mouahidines. Qu'est-ce qu'on dit sur cette personne-là? Cette personne-là, dans les règles de la dunya, on le considère comme un mécréant. Parce qu'il nous a fait apparaître qu'il était de leur armée et de leur ansar. ثُمَّ يُبْعَثْ يَوْمَ الْقِيَامَ عَلْ نِيَتِهِ. Le jour de la résurrection, il sera ressuscité selon son intention. وَنَحْنُ الَّذِي يَهُمُّنَا مِنْ هَذَا حُكْمُهُمْ فِي الدُّنْيَا. Ce qui nous importe, c'est son jugement dans cette dunya. لِحَاجَتِنَا إِلَى ذَلِكَ فِي التَّعَالْمُلِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ. Ce qui nous implique, ce qui nous importe, c'est le jugement dans la dunya. Parce que nous avons besoin de connaître ce jugement en cas de jihad ou de comment se comporter avec lui. أَمَّا فِي أَحْكَامَ الْآخِرَةِ. Ce qui concerne les règles liées à l'au-delà. فَلَا يَهُمُّنَا أَمْرَهُمْ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْنَا بَلْ هُوَ إِلَى اللَّهِ. En ce qui concerne le jugement de l'Akhira, tout cela appartient à Allah. Ça ne nous concerne pas. يدل على هذا التفصيل حديث أم المؤمنين المتفق عليه في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف الله بأوله وآخره مع أن فيهم المستبصر والمجبور فيهلكهم الله جميعا في الدنيا ويبعثهم على نياتهم يوم القيامة. Dit notre preuve en cela, c'est le hadith de la mère des croyants Aïcha, qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Il est dans Riyad al-Salihin, le chapitre de l'intention. Une armée va attaquer la Kaaba à la fin des temps. Dans cette armée, il y aura les gens qui voudront attaquer la Kaaba, qui seront venus pour attaquer la Kaaba. Il y aura parmi eux celui qui aura été forcé à les rejoindre. Et il y aura parmi eux, ça sera une grande armée, donc il y aura les gens qui marchent sur la route à côté d'eux. Ça se peut, ça, une grande armée comme ça, surtout si c'est une grande armée qui se met en... Il se peut qu'il y ait sur la route avec eux des gens qui n'ont rien à voir avec cette armée. Soit qui étaient sur la route, qui marchaient, soit qui ont été forcés avec eux, etc., etc. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَيُهْلِكُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Allah, il les fera périr tous. Et Aïcha lui a demandé, mais les gens qui ont été forcés, ou ces gens-là qui étaient sur la route, quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, يُوَعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Ils sont ressuscités selon leurs intentions. Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a dit à propos de ce hadith, lorsqu'on lui a demandé, on lui a dit, dans l'armée des Tatars, il y a des gens qui sont forcés et qui sont sous la contrainte. C'est une fatwa qui est dans le volume 28, la page 537, et il nous dit, à propos de ce verset, à propos de ce hadith que je viens de citer, Cheikh al-Islam Taymiyyah, il nous dit, فَاللَّهُ تَعَالَى أَهْلَكَ الْجَيْشَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ تَهْلِكَ حُرُمَاتِهِ. Allah, le Très-Haut, a fait périr l'armée qui a voulu porter atteinte aux interdits d'Allah, c'est-à-dire à Kaaba. Al-mukrah fihim wa ghayr al-mukrah. Il a fait périr Allah, tout le monde, celui qui était sous la contrainte, celui qui n'était pas sous la contrainte. Ma'a qudrati 'ala at-tamyiz baynahum. Malgré qu'Allah, il avait la capacité, le pouvoir de faire la différence entre celui qui était contraint et pas contraint. Allah, il est capable de faire mourir celui qui est pas contraint et de ne pas faire mourir celui qui est contraint. Malgré tout, Allah, il a décidé de faire périr tout le monde. Ma'annahu yab'athuhum 'ala niyyatihim. Et Allah, il les fera ressusciter selon leurs intentions. فكيف يجب على المجاهدين يميز بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك. Comment cela peut-il être obligatoire aux mujahidines de faire la différence entre celui qui est contraint et celui qui n'est pas contraint alors qu'ils n'en ont pas la possibilité? Allah, il a la possibilité, il ne l'a pas fait, et tu vas dire aux mujahidines de faire la différence entre le contraint et celui qui n'est pas contraint alors qu'il n'a pas la possibilité. Voilà la réponse de Cheikh Ibn Taymiyyah en résumé. Et il faudrait revenir à la fatwa qui est très bien, qui a des bases très importantes. Et ceci, c'est le sens de la parole de Omar, comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari, et il est aussi dans le livre Riyad al-Salihin sur le jugement en apparence, lorsqu'il nous dit « Inna unasan kan yu'khadhum bil-wahyi ala ahdi Rasulillahi sallam » Il dit « Les gens, ils étaient jugés par la révélation au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ أَظْهَرَنَا خَيْرًا أَمَنَّا. Il dit par contre, à notre époque, il n'y a plus de révélation. Celui qui montre du bien, on le traite en bien. وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٍ. Et on ne cherche pas ce qu'il a en secret, au fond de lui. D'accord ? Ensuite, il nous dit, Allah يُحَاسِبُ سَرِيرَتَهِ. Allah va juger ses secrets, ce qu'il a au fond de lui. Ensuite, on dit وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَنَأْمَنْهُ وَلَنْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنًا. Quant à celui qui fait apparaître le mal, nous ne le rapprochons pas de nous et nous le traitons en mal. Même s'il nous dit qu'au fond de lui, il avait du bien et qu'il avait une bonne intention. فالحق أن التمييز بين هؤلاء وأولئك ما دام متعثرا فنحن لا نكلف به. Cheikh Abu Muhammad al-Maqdisi conclut en disant la réalité, c'est que le fait de faire la différence entre cela et cela, c'est-à-dire entre la première catégorie et la deuxième catégorie, nous ne pouvons pas le faire. Donc nous ne sommes pas responsables de cela. Mukallaf. بل من زعم التوحيد والإسلام منهم فهو المكلف بأن يتميز عنهم ويجتنبهم. Mais celui qui prétend, parmi les ceux qui secourent les tawarites, qu'il est sur le tawhid et sur l'islam, c'est lui qui est responsable de s'éloigner d'eux et de se différencier d'eux, c'est-à-dire de délaisser cet acte-là. لأن الكفر بالطاغوت واجتنابه يجب أن يكون باطنا وظاهرا. Car le fait de mécroire au tawhid et le fait de s'écarter du tawhid, il faut qu'il soit apparent en secret et en public, c'est-à-dire il faut le faire apparaître. Au minimum de ne pas l'adorer, de ne pas montrer son adoration. Comme c'est le cas pour l'iman chez les gens de la sunna et du groupe, c'est une parole, un acte et une croyance. De même, le kufr bit-taghut, c'est en parole, un acte et en croyance. فإن لم يظهر هؤلاء اجتناب الطاغوت واجتناب النصرة بعلى العكس كثروا السواد وأظهروا النصرة وكانوا له جندا فأنا لنا معرفة ما في قلوبهم والله إنما كلفنا بالظاهر لأن الذي نتعامل معنا أحكام الدنيا لا أحكام الآخرة. Il dit, quant à ceux qui n'ont pas fait apparaître le fait qu'ils sont écartés du tarot et qu'ils se sont écartés de son secours, mais au contraire, ils ont grossi son nombre. Et ils ont fait apparaître le secours du Tarout et ils ont été ces soldats. Nous ne voulons pas connaître ce qu'il y a dans leur cœur. Nous n'avons pas besoin de connaître ce qu'il y a dans leur cœur. Allah nous a chargé de juger l'apparence. Et c'est sur cela qu'on se base dans Ahkam Dunya, dans les règles qui sont liées à cette vie-là, l'Ahkam al-Akhir. La dernière question que nous voulons traiter, donc, est la suivante. On va l'intituler. حكم من لم يكفر الطاغوت حكم من لم يكفر الطاغوت. Le jugement de celui qui ne rend pas mécréant le tarot. On a montré que Le fait de se désavouer du Tarout et rentrer dans ce cadre-là, le fait de mécroire au Tarout, le fait de croire que le Tarout est nul, hein, ou Tarkat Tarout, le deuxième c'est de délaisser le Tarout, le troisième, Bourde Tarout, le fait de détester ce Tarout, le quatrième, Takfir At-Tarut ou Ahli, le fait de rendre mécréant le Tarout et ceux qui l'adorent. Et le cinquième, Mu'adatuhum, le fait de les prendre comme ennemis, Ma'al-Qudra. Donc, on a pris l'exemple par exemple de la démocratie, des lois forgées, mais aussi des devins, etc. etc. Il doit donc croire que ces choses sont nulles, etc. etc. Les cinq manières de croire au Tarout. Qu'en est-il maintenant d'une personne qui ne rend pas mécréant le Tarout en particulier? Un cheikh contemporain qui s'appelle Cheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalidi, Fakallahu Asra, qui est un cheikh qui est né au Koweït, qui a vécu en Arabie, et qui est en prison actuellement en Arabie depuis 2002 ou 2003, qui est très proche du cheikh Ali al-Khudayr, et dont les livres sont en général préfacés par ce cheikh-là. Il a une risala sur ce sujet qui s'appelle Al-Ibah wa la clarification sur le fait de ne pas rendre mécréants les Tarout ou les Kuffar. Il dit, le cheikh, en résumé de son livre, que le Tarout se divise en deux parties, ce qui concerne le fait de ne pas faire son takfir. Al-Qism al-Awwal. Wa hum al-Tawarit min al-Kuffar al-Asliyin alladhina la yantasibuna li millati al-Islam. La première sorte, ce sont les Tarout qui sont des mécréants de base, qui ne prétendent pas appartenir à la religion islamique. فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو تردد أو توقف في تكفيرهم فهو كافر. Ceux-là, celui qui ne les rend pas mécréants, ou qui doute de leur mécréance, ou hésite et s'abstient de les rendre mécréants, cette personne-là est un kafir. Et ceux-là, وهو هذا هو الناقد الثالث من نواقض الإسلام العشرة المجمع عليها. Et ceci, c'est la troisième annulation des annulations d'islam qui font l'unanimité. Le Cheikh Mohammed Abdel Wahab, il a dit dans la troisième annulation d'islam, la troisième annulation, celui qui ne rend pas mécréant les mouchrikines, ou qui doute de leur mécréance, ou qui authentifie littéralement leur voix, c'est-à-dire qui voit que leur religion a une part de vérité. Il est donc mécréant. C'est ça. La troisième annulation de l'islam. Al-Qism al-Thani, la deuxième sorte de Tawarit. Wa hum al-Tawarit al-Muntasibuna lil-Islam. Ils disent ce sont les Tawarit qui prétendent appartenir à l'islam. Fa-ha-ula qad yaltabisu amrhum ala kathir min an-nas. Cela, leur état peut être caché à un certain nombre de gens. Khassa wa annahum yudhiruna kathira min sha'air islam. Ceci, car ils font apparaître beaucoup de pratiques de l'islam, comme la salat ou le hajj, comme la salat ou le hajj, ou bina al masajid, ou construire les masajid, ou tab' al masahif, ou imprimer les masahif, les Coran, ou izhar al sadaqat, le fait de faire des aumônes, de faire apparaître comme quoi ils font des aumônes, ou i'lan al tabarru'at, faman lam yukaffiruhum la yakhlu min thalathi halat. Il dit, ceux qui ne les rendent pas mécréants sont de trois sortes. Allah, à chaque fois, c'est détaillé. Al-halat al-oula, la première sorte. Wa hum alladhina yansurun at-taghut wa hukmah. Ceux qui secourent le taghut et son jugement. Wa la yubaluna bi hukmi Allah. Ils ne prêtent aucune attention au jugement d'Allah. Jahidin anfusahum bis-sa'i fi itfa'i nuri Allah. Mais au contraire, ils se précipitent pour éteindre la lumière d'Allah. Wa ikhmad kalimatihi. Faire disparaître ses paroles. Et combattre les alliés d'Allah. Ceux-là sont les gardiens des Tarout. Sadana, ça veut dire les gardiens. C'est-à-dire, tout comme les idoles à l'époque de la Jahiliya avaient des gardiens, des gens qui gardaient les temples d'idoles, comme c'est rapporté dans la Sira, ce qui concerne Al-Lat, Al-Uzza, comme quoi ils avaient des gardiens. Mais ceux qui font cela, ce sont les gardiens des idoles modernes, les gardiens des Tawarit à notre époque. Des gouvernements qui légifèrent en dehors d'Allah. وَتَرَجُمُهُ النَّاطِقِينَ بِلِسَانِهِ الدَّاعِينَ لِعِبَادَتِهِ Mais ils sont aussi qui? Ces traducteurs, littéralement. Ceux qui parlent avec la langue des idoles et qui incitent à son adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les idoles, à l'époque de la Jahiliya, il y avait des gens qui se mettaient devant les statues et qui disaient « Sacrifiez-leur telle bête, elles aiment ça, si vous leur faites ça, elles font tomber la pluie. » Et aujourd'hui, à notre époque, devant les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, les ministères des religieux, des affaires religieuses, que ce soit au Maroc, en Égypte, quoi que ce soit, ils mettent des gardiens devant ces tombes qui, pareil, mangent l'argent des gens par le batel et leur disent « Vous devez leur faire ça d'un cas de temps, vous devez sacrifier telle bête devant eux, ou quoi que ce soit. » Et de même, ça existe ça à notre époque, et de même, devant les tawarites comme les législateurs ou les fausses législations, il y a des gens qui se prétendent de l'islam, qui sont les gardiens de ces idoles, et qui appellent à leur adoration, et qui appellent à participer au vote, qui appellent à prendre le jugement du tarot, etc. etc. Et il dit, le shir, qu'al-immaliyin, comme les laïcs, ou les démocratiyin et les démocrates, wa nahwihim mimma la khalaqa lahum fil akhira, fa hadha as-sinf la shakka fi kufrihim. Il dit, en ce qui concerne ces gens-là, il n'y a pas de doute sur leur mécréance. Ceux-là aussi sont mécréants, sans aucun doute. Al-halat al-thaniya. Le deuxième aspect de ceux qui doutent du coffre des tawarid qui se prétendent à l'islam et qui trompent les gens en faisant apparaître des législations de l'islam, en faisant la salat devant les caméras, en donnant des sadaqat, en imprimant les mushaf sur lesquels ils mettent leur nom, etc. Il dit, le halat al-thaniya, man lam ya'rif, man la ya'rif haqiqat al-halim. Deuxième, ceux qui ne connaissent pas la réalité de l'état de ces tawarit. Ay, yajhal hal ha'ula at-tawarit wa ma waqa'a fihi min al-kufr. Il ignore l'état de ces tawarit et il ignore la mécréance dans laquelle ils sont tombés. Lakinahu la yajhal hukm Allah 'azza wa jalla fi amthalihim. Mais il n'ignore pas le jugement d'Allah sur ceux qui commettent de tels actes. Fa hadha salim al-i'tiqad wa la shay'a 'alayh wa hadha huwa al-jahl al-basit. Celui-là a une croyance saine. Et il n'a pas de mal en cela. Et il n'aura pas de péché. Et c'est une ignorance mineure. La personne qui ne sait pas qu'une telle personne en particulier, il est de tarout, qu'il fait ces actes-là. Mais il sait très bien que s'il faisait ces actes-là, il jugerait du jugement d'Allah sur lui. Et il donne un exemple. Il dit « Wa mithaluhu fulan ya'taqid anna kullu mudda'i lil-ghayb kafir. Walakin la ya'rif » فلانا مدعي للغيب عينه ولم يطلع على حقيقة أمره فلا يضره ذلك ولا يقدح في إيمانه. Une telle personne sait que toute personne qui prétend connaître l'invisible est un kafir. Mais il ne sait pas qu'un tel en particulier prétend connaître l'invisible. Dans ce cas-là, car il ne sait pas sa réalité. Il n'y a pas de mal en cela, et cela n'est pas mauvais pour son iman. الحالة الثالثة وهم الذين طلعوا على حقيقة الطواغيت. La troisième sorte, ce sont ceux qui ont connu la réalité de cette tawarit. والنواقض والمكفرات التي قامت بهم. Et ils connaissent leurs annulations d'islam. Et ils connaissent les mécréances qu'ils ont commis. ولكن امتنعوا من تكفيرهم. Mais ils sont abstenus de faire leur takfir. ويدخل تحت هذه الحالة الصنفان من الناس. Et cela, ils sont de deux sortes encore. À chaque fois en détail. الصنف الأول وهم الذين يعتقدون كفرهم وضلالهم يكذبونهم ولكن لا يصرحون بكفرهم هم ثلاثة أقسام. Il dit la première sorte, ceux qui croient leur mécréance, ils croient que ces tawarites sont des mécréants, ils croient à leur égarement, ils les détestent, mais ils ne font pas apparaître ce kufr, ils ne le disent pas. Ceux-là, ils sont de trois sortes. القسم الأول المستضعفون وهم الذين لا مناعة لهم فهؤلاء قد عذرهم الله إلى زوال العلة وانتفاء المانع ومن باب أولى المكرهون والدليل قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Ce sont les gens qui sont en état de faiblesse et qui n'ont pas de protecteur. Cela, Allah les a excusés. Dans le fait de quoi? Dans le fait de ne pas dire en face au tarout, tu es un tarout, tu es un kafir. Mais dans ton cœur, tu as la certitude que c'est un tarout et que c'est un kafir. Et que si jamais tu te retrouves seul avec un groupe de gens du tawhid, tu vas dire oui, ces gens-là, c'est des tawarites et des kuffars. Mais à cause de l'état de faiblesse dans lequel ils se trouvent, ils ne prononcent pas ouvertement le fait que ce soit des tawarites et des kuffars. Et il a cité le verset de Surat An-Nisa, le verset 98 de la Surat 4, où Allah dit: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. À l'exception des impuissants, c'est-à-dire des gens en état de faiblesse, des faibles, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, c'est-à-dire pour faire les gens. Et il dit, à plus forte raison, ceux qui sont sous la contrainte. Qawluhu, est-ce la preuve de cela? Le verset qu'on a cité, le verset 106 de la surat Nahl, on a cité plusieurs fois. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ceux qui mécroient en Allah après avoir eu l'iman, c'est-à-dire ils ont mécru, sauf ceux qui sont sous la contrainte, alors que leur cœur est plein de la sérénité de l'iman. Il faut faire attention à la traduction en français de ce verset, qui prouve que la plupart des traducteurs et la plupart des musulmans, malheureusement, ont été corrompus par la maladie de l'irja. Parce qu'il parle de rejeter la foi, on parle de mécréance. Dire une parole, un acte de mécréance, la personne qui le fait, il est mécréant dans son cœur. Même cet acte-là le rend mécréant dans son cœur, sauf s'il est sous la contrainte ou un empêchement, une excuse autre que cela. Il est bon de montrer qu'ici, par exemple, il arrive que les gens, quand ils voyagent dans certains pays arabes, il est évident qu'ils rentrent dans ce cas-là. Contrairement à ce que peuvent penser les gens qui ont de l'extrémisme dans le tekfir, eux-mêmes ils le font. Lorsqu'ils vont en Égypte, ils ne vont pas au militaire en lui disant « Tu es un kafir, tu es un murtad, et toi, le gouverneur qui t'a nommé est un tarout que tu adores en dehors d'Allah, et je me désavoue de toi, et etc. etc. » À cause de la faiblesse. Cet état-là, ça doit être un état temporaire. Le muslim, il ne peut pas se contenter de cet état-là. Cet état-là, c'était l'état dans lequel étaient les muslimines à Mecca. D'accord? Certains, malgré tout, allaient devant les kuffars et leur disaient leur kufr. En premier, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est clairement dit dans Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab, c'est l'un des tarouts des têtes de Quraysh. Ou Qul ya ayyuhal kafirun. Et parmi eux, parmi les gens, il y avait qui n'avaient qui cacher leur foi. Comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Miqdad, etc., etc. Et dans le Coran, il y a des exemples de cela. Mais ça ne peut être qu'un état intermédiaire et temporaire, l'état de faiblesse. Et le musulman, il essaye de sortir de cet état de faiblesse, de faire l'hijra par exemple, de quitter la terre de kofr et de faiblesse pour retrouver la puissance sur la terre. Al-qism al-thani hum alladhina ya'taqiduna kufrahum wa yuqirruna bihi walakin la yusarrihuna lahum wa la yukafihunahum bit-takfir wa lahum mana'a tamna'uhum min 'ashiratin wa ghayri dhalik min asbab al-mana'a. La deuxième sorte, ce sont les gens qui croient aussi qu'ils sont des kuffars. Ils reconnaissent cela. Quand on leur dit, ils reconnaissent cela. Mais ils ne prononcent pas leur takfir ouvertement aussi. Alors que eux, ils ont de quoi les protéger. Dans ce cas-là, nous disons qu'ils sont mudahinoun. Al-mudahana, j'essaye de trouver, parce que là, j'essaye de, pour avoir une traduction. Une traduction correcte du mot mudahana, c'est ce que dit Allah lorsqu'il dit dans le verset, c'est la preuve de cela, waddu law tudhinu fayudhinun. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. C'est ça, c'est le fait de transiger, de trouver une espèce de voie intermédiaire, ce qui est très dangereux parce que ça peut amener jusqu'au kufr. Al-qism al-thalith, la troisième sorte. وَهُمْ مَنْ يَقُولْ غَيْرُهُمْ كُفَّارٌ. Ce sont ceux qui disent d'autres qu'eux sont kuffars. C'est-à-dire lorsqu'on leur montre des gens qui commettent ces annulations islam, ils disent oui, ceux-là ils sont kuffars. Et puis on leur montre ceux-là, là, ces tawarites, ils disent وَلَا قُولُوا إِنَّهُمْ كُفَّارٌ. Mais ceux-là, là, non, non, ils ne sont pas kuffars. وَيَمْتَنِعُونَ مِنْ تَكْفِيرِهِمْ مُطْلَقًا. Et ils refusent de faire leur takfir en totalité. لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ مِنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ. Nul doute que s'ils refusent de faire leur takfir, il a jugé de leur islam. Car il n'y a pas d'intermédiaire entre le kufr et l'islam. Il dit une chose très importante. Celui qui nomme le kufr, islam, ou qui nomme les kuffars, qu'ils soient des kuffars de base, ou des kuffars qui se prétendent à l'islam, mais dont la mécréance fait unanimité, dans lequel il y a un texte du Coran de la Sunna, ou une unanimité. Celui qui fait ça, qui nomme ces gens musulmans, fahuwa kafir. Il est kafir aussi. Donc celui qui refuse de rendre mécréants les tawarit, alors qu'il connaît leur mécréance, il sait leur mécréance, et il refuse de rendre mécréants les tawarit, pour une cause, parce que je ne sais pas quelle cause, il est kafir. Dans ce cas-là, il la ta'wila lahu wa la shubha, il n'a pas de fausse interprétation et il n'a pas d'ambiguïté. Juste il dit, non, je ne dis pas qu'ils sont kuffars. وقد رد حكما من احكام الله تعالى بعد ثبوته عنده ومعرفته له. Il a rejeté un jugement parmi les jugements d'Allah le Très-Haut après que ce jugement ait été établi, hein, et qu'il l'ait connu. Et il reste la deuxième partie, la deuxième sorte, parmi ceux qui ont su la réalité de cette tawarit, qui ont su les annulations de l'islam de cette tawarit et les mécréances qu'ils ont commises. وهم الذين يجي الصنف الثاني وهم الذين اطلعوا على حقيقة الطواغيت والنواقض والمكفرات التي قامت بهم وأنكروا باطلهم وأبغضوه بقلوبهم وقالوا النوع يكفر والعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. Ceux qui disent, ceux qui ont connu la réalité de Tawahid, qui ont reçu les annulations d'islam, ils ont renié leur faux, c'est-à-dire ils ont dit ce qu'ils font c'est faux, et ils les ont détestés avec leur cœur. Mais ils ont une ambiguïté, ils disent oui, le cas général mécroit, mais la personne en particulier ne mécroit pas, jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui. Que les conditions soient établies et que les empêchements soient enlevés, dans le cas particulier. Il dit où ils ont refusé de faire leur takfir à cause des ambiguïtés qui ont été semées par certaines personnes qui sont soi-disant des gens de science et qui enseignent la religion, ou suivent aveuglément l'un des ulama, ou une personne en laquelle ils ont un doute, ou qu'ils aiment, pardon, ou à cause d'une ambiguïté qu'ils ont eue, ou ta'wil, ou d'une fausse interprétation, ou ils mettent les textes de certains ulama, ils les appliquent sur des gens sur lesquels ils ne doivent pas être appliqués. D'accord ? وحمل كلامهم على غير مرادهم ويبقون لبغل العلماء اللي زابليك مال مما أوجب لهم توقف في تكفيرهم. Tout cela a impliqué qu'il n'a pas fait takfir sur certains tawarit en particulier. فهؤلاء لا يكفرون ابتداء. Cela on ne fait pas leur takfir ابتداء, ça veut dire dans un premier temps on ne fait pas leur takfir. ولا يجوز تكفير أحدهم حتى تقوم عليه الحجة. Et on ne fait pas le takfir d'un d'entre eux jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui. وتزول عنه الشبهة إجماعا. Et nous devons enlever son ambiguïté à l'unanimité. ومما ينبغي التفطن له أن طاغوت الحكم وطاغوت الطاعة المتابعة مما عمت به البلوى في من أزمنة متطاولة حتى أصبحت مسألة الحاكمية في هذا الزمان من المسائل الخفية. Et dit le Cheikh Ahmed Al-Khalidi, il faut comprendre que les questions qui sont liées au طاغوت الحكم, طاغوت qui concerne le jugement, وطاغوت الطاعة والمتابعة, et le fait de ce qui concerne le tarot de l'obéissance, le tarot du jugement, le tarot de l'obéissance, qu'on a détaillé dans ces points-là. Il dit, cela, ça s'est répandu. Et malgré tout, la question de l'hakimiyya, qui sont liées à quoi? Au jugement, à la législation d'Allah, à l'unicité d'Allah sur ces coins-là, ils disent, c'est devenu des questions ambiguës. Hein? Wallahu al-musta'an. Bisa'i kathratu shubah. Il dit, malheureusement, cette question-là, c'est devenu une question ambiguë, à cause de toutes les ambiguïtés, des fausses interprétations, à cause du peu de gens qui expliquent ces questions aux gens. On voit peu de gens de science qui expliquent toutes ces questions aux gens, en leur disant que la démocratie, c'est du shirk, que les tawarit du hukum, c'est des tawarit kuffar, qu'il faut les rendre mécréants. C'est peu les gens de science qui expliquent ces questions-là. On les a quasiment cités dans ces feuilles parmi les contemporains. Il dit, à cause de cela, on ne rend pas les gens kuffar dans un premier temps, si on voit qu'ils ne rendent pas mécréants les tawarit de hukum, avec le détail qu'on vient de citer, on leur explique la question, on leur ramène les dalils, on leur enlève leur ambiguïté, si on a la possibilité. Il dit tout cela, et il faut savoir une chose, et il finit sur cette chose-là. وَالضَّلَالُ إِنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبِ التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَالْقُصُورِ فِي الْفَهْمِ وَبِهِمَا جَمِيعًا. Il dit en ce qui concerne l'égarement, il a deux principales causes. Soit le fait que la personne n'ait pas recherché la vérité suffisamment, ou soit qu'il n'ait pas réussi, ou qu'il ait été limité dans sa compréhension de la vérité. Dans ces cas-là, il faut l'aider. Tout ça, c'est dans l'Idah al-Tabyin, sur Ahmed Khalidi, et il s'est basé dans toutes ces subdivisions sur les paroles des ulama, particulièrement la parole du Sir Sulaiman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre Awthaq Ura al-Iman, dans le Torah al-Saniya, volume 8, la page 160. On ne va pas la reciter parce que ça reviendrait quasiment à reciter ce qu'il a cité le Sheikh Ahmed al-Khalidi. Et c'est une obligation pour les musulmans, non seulement d'apprendre les choses qui viennent d'être citées, mais de les enseigner aux gens, d'appeler les gens, de répandre ces questions-là au milieu des gens, parce que le Tarout a pris quasiment le contrôle de la Terre. Et le Tarout qui a pris le contrôle de la Terre à notre époque, comme le disent certains chouyours, le Tarout du jugement, c'est un Tarout qui ne se limite pas au fait de commettre la mécréance en lui-même, mais qui appelle les gens à la mécréance, et qui répand la mécréance et la corruption parmi les gens. Donc c'est une obligation d'appeler les gens à mécroire à cette Tawarit, y compris par le cœur, par la langue et aussi par la main. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'Hijra, il a détruit les idoles de son peuple. Et il a envoyé les sahaba dès qu'il a pu et dès qu'il a conquis Ta'if, etc. Comme c'est rapporté dans le livre de Sirah, dans le livre de Hadith avec des chaînes de transmission authentiques. Il a envoyé tel sahabi détruire l'idole de Ta'if. Et il ne les a pas laissés, comme il dit Ibn al-Qayyim dans Zad al-Mi'ad, ne serait-ce qu'un jour. Dès que le peuple est rentré dans l'islam ou qu'il a pris contrôle de la ville, il a envoyé le sahabi pour détruire cette idole. Donc c'est un devoir pour le musulman de connaître toutes ces choses-là, de les répandre, de les appliquer. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.